Vous écoutez Radio Show Football, la Banda Baggio, l'émission 100% foot, présentée par Gabi et Nico. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, et celui-là il va être spécial car on va parler ce soir du parcours du champion de cette année, saison 2016-2017 avec l'AS Monaco donc, qui est champion. Et avec moi j'aurai plusieurs intervenants. Tout d'abord j'ai Gabi avec moi, salut Gabi. Ouais, salut à tous. J'ai Joseph, salut Joseph. Salut à tous les auditeurs et champion. Voilà, un supporter très heureux. Et j'ai deux autres supporters de l'AS Monaco. J'ai avec moi Eddy. Salut Eddy. Oh, salut tout le monde. Bah, présente-toi un petit peu. Voilà, bah, présente-toi un petit peu si tu veux. Ouais, je m'appelle Eddy, j'habite Marne-la-Vallée, je suis conducteur d'autocar de tourisme. Et je supporte Monaco depuis 89. Ah oui. Voilà, j'ai commencé avec George Weah, Youssouf Fofana, Ramon Diaz, Glenn Barros. Glenn Hoddle, non, il était parti, je crois. Ouais, il était parti, j'ai pas eu le temps de le voir jouer, donc voilà, j'ai eu le temps de voir le joli, le très joli, le chaotique Monaco aussi. Mmh. Et là, cette année, ben voilà, on est retombé sur le vrai Monaco, celui que j'ai connu, celui qui flambait, qui impressionnait, qui faisait peur à tout le monde. Et là, ben voilà, on est sur du bon et on va continuer comme ça, on va prier pour que ça perdure de cette façon-là, quoi. Parfait, d'accord. Et avec nous, enfin, nous avons Loïc. Salut Loïc. Ben, salut tout le monde. Ben, Loïc, j'ai 32 ans. Ça fait 20 ans que je supporte Monaco. Et je suis fondateur du groupe ASM Dom Tom, dont on fait partie Eddy et Joseph. Et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ben, écoute, le plaisir est partagé. Donc, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est une émission spéciale sur l'AS Monaco. Et on va tout de suite commencer cette émission par l'avant-saison. L'avant-saison avec le recrutement. Je vous laisse parler de ce recrutement qui a eu lieu cet été. Allez-y, vous avez libre parole. Ok, bon, bah, je vais commencer, si ça ne dérange personne. Vas-y, tu as le droit. Vas-y. Trop tard. Bah, avant de parler de l'avant-saison, je voulais venir sur quelque chose, parce que l'année dernière, à la fin de la saison, les dirigeants et ainsi que Jardim, ils ont fait une grosse réunion pour voir ce qui avait été dans la saison et surtout ce qui n'avait pas été, parce que la saison, on a fini troisième, on n'a pas, et pour les dirigeants aussi, je pense, on n'a pas vraiment fait la saison qu'on voulait. Donc ils ont viré quelques dirigeants, dont Makelele, pour bien recadrer certaines choses. Jardim a eu tous les plus de pouvoir sur le sportif. Et je pense que ça a beaucoup aidé pour la saison qui a démarré cette année, quoi. Et il a eu les pleins pouvoirs sur le recrutement, entre guillemets. C'est lui qui a décidé des profils qu'il avait besoin. C'est pour ça qu'on a pris des latéraux, qu'on a pris un défenseur central. Et voilà, quoi. Je voulais revenir sur ce petit point-là avant. Ouais, bah, c'est vrai que tu fais bien, parce que dans la saison dernière, c'est vrai que le côté Makelele, à savoir... Bah, pourquoi on l'avait pris, comme en fait Jardim avait un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête, on s'était dit bah c'était déjà le remplaçant de Jardim si jamais il finissait pas la saison. Et c'est vrai que tu fais bien de souligner que Makelele c'était plus un problème qu'une éventuelle solution. Ouais, voilà. D'accord. Et toi Eddy, qu'est-ce que t'en penses de ce recrutement cette année? Je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Et cette année, ben, faut pas oublier que les médias nous voyaient vraiment au fond du trou, s'attendaient à ce qu'on vende tout ce qu'on avait. Et voilà, quoi. Comme souvent, Monaco a trop souvent été critiqué. Mais là, on est rentré dans une polémique qui n'avait pas lieu d'être, où on disait que Monaco allait encore se faire de l'argent. Mais c'est vrai qu'on était très très surpris de voir que tous les cadres restaient à l'AS Monaco. On s'est débarrassé vraiment des poids morts. Et on a recruté de manière très astucieuse deux, trois éléments qui auraient pu compléter l'effectif. Le retour de Falcao a été géré d'une façon magistrale et ça donne raison. Ça donne raison au manager, à tout l'encadrement de l'AS Monaco. Et on voit le résultat aujourd'hui. Et ben, je suis en regret de voir que le mercato n'a pas commencé, que les journalistes sont repartis sur la même politique. Mais à mon avis, ben, on leur donnera raison quand on fera le résultat. Et puis, ça sert à rien de parler à ce niveau-là, quoi. Ça sert à rien. Et surtout on est Monaco, on sait comment ça se passe. On sait qu'on est souvent décrié, qu'il y a un besoin de nous descendre. Et comme on dit, la vérité, elle est sur le terrain. Donc, Mais pourquoi on aime embêter Monaco? On aime descendre Monaco parce que c'est une équipe qui n'est pas basée en France. C'est ça qui gêne un petit peu, non? Ben, je pense que c'est ça, oui. Voilà. Pour ma part, c'est surtout le fait que Monaco, déjà, n'est pas français. Bon, je vais peut-être dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct, mais nous, en tant que Français, on n'aime pas... je vais pas dire ce qui vient d'ailleurs, c'est pas ça, mais le fait que Monaco soit pas français, ça dérange certains, en fait. Oui. Monaco, ils se battent pour la France, entre guillemets. Parce que quand je vois le nombre de joueurs que Monaco a fourni à l'équipe de France, même l'épisode de Luznac, je sais pas si vous allez vous rappeler de ça, mais Luznac, ils sont descendus, ils devaient monter en D2, et le seul club qui a aidé Luznac quand ils sont descendus en CFA, je ne sais plus trop s'ils sont descendus en CFA ou CFA2, mais quand ils sont descendus, quand c'était dans la merde, le seul club professionnel qui a aidé Luznac, c'est Monaco. En leur donnant des ballons, en leur donnant certains trucs, c'est Monaco, et ça, personne n'en parle. Voilà. Ça, personne n'en parle. Et voilà, et Monaco, ils font même le Mendy qu'on a recruté, Marseille, ils étaient... bon, je crois qu'il y a un supporter de Marseille avec nous, donc il va peut-être confirmer ou confirmer ce que je dis, mais les 15 millions qu'on a donné pour Mendy, ça a fait du bien à Marseille, qui devait passer devant la DNCG avant une certaine date. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est exactement ça. Même Corentin Jean qu'on a acheté l'année dernière, trois devaient passer devant la DNCG, on les a aidés aussi, en leur reprêtant aussi Corentin Jean derrière, mais ça, les médias, ils n'en parlent pas, quoi. Ils en parlent pas. Et c'est pour ça que vous êtes là, pour en parler et de remettre un petit peu les choses en ordre et de dire un petit peu les vérités sur AS Monaco. C'est tout à fait normal. J'ai juste une petite question. Est-ce que vous, déjà, Falcao, c'était quand même une petite surprise qu'il veuille revenir à Monaco. Est-ce que vous pensiez qu'il allait être aussi bon cette année? Oh non, je pense que personne, je sais même pas si lui était au courant qu'il allait être à ce niveau-là, quoi. Ouais, non, ouais. Après, quand on récupère Falcao, c'est un joueur qui est abîmé, hein, parce que la façon dont il est parti, enfin, on se rappelle tous du, je crois que c'était contre Lille, si je dis pas de bêtises, quand il est en tribune avec son portable, alors que c'est l'avant-match, et lui, le seul truc qu'il veut, c'est partir, pour tout exploser en Angleterre, et du coup, on récupère un mec qui est cassé, et qui a pris une grosse leçon d'humilité, quoi. Quand on parle de Falcao, il y a encore 3-4 ans, c'était le top mondial, quoi. Au début de saison dernière, en fait, quand on repart avec Falcao, on part dans l'inconnu. On part dans l'inconnu. Et pour continuer sur le recrutement, c'est vrai que on prend Falcao, on prend deux latéraux, quand on voit l'argent qui est mis sur des latéraux, tout le monde nous prend pour des fous. On récupère Glick. Qui est un patron au Torino, mais pour qui c'est une énigme, en fait, pour le grand public. C'est vrai qu'on connaissait pas trop. Enfin, c'est vrai que à part regarder un petit peu le championnat italien, le reste après Glick, on savait pas trop. On a fait énormément de coups. Ça a été bénéfique pour nous, parce que quand on prend Mendy sort d'une saison pas possible à Marseille. Et Mendy, lui, ce qu'il lui faut, c'est des mecs comme Jardim ou comme Bielsa, c'est des mecs qui savent gérer ce genre de... Parce que Mendy, c'est un spécimen, on va pas se mentir, on connaît l'animal. Mais il faut un mec qui arrive à le cadrer. Et quand il tombe sur des entraîneurs comme ça, il peut devenir un mec vraiment... pour moi, Mendy, il peut toucher les Marcelo, le top des latéraux mondiaux. S'il est vraiment bien... voilà. Le seul pour moi qu'on a pris qu'on savait déjà sa valeur, c'était Sidy B. Mais sinon, on a fait beaucoup de coups. On va revenir sur Falcao. Moi, Falcao, je vais pas mentir, c'est pas que je le voulais pas, mais j'avais des réticences pour moi. Fallait prendre Ben Yedder. Bon, après, ouais, Benedir, c'est un joueur que j'apprécie, mais Falcao, il m'a agréablement surpris. Pour moi, il était fini. Je vais pas mentir. Ceux qui disent que Falcao, on savait qu'il allait faire cette saison, c'est pas vrai. Falcao, comme Joseph Eddy disait, il était abîmé. Il était au fond du trou. J'ai les deux saisons qu'il a fait en Angleterre, de saison 2014-2015, il fait 29 matchs et 4, pour 4 buts avec Manchester United. Pour dire, c'est très très peu pour un attaquant. Les blessures qu'il avait. Voilà, en plus. Il va revenir décroisé et tout, c'était pas évident. Voilà, et 2015-2016, Chelsea, il fait que 12 matchs pour un seul but, quoi. Enfin, là, c'était vraiment un Falcao méconnaissable. C'est clair. C'est clair. Gabi, tu veux rajouter quelque chose sur le recrutement de Falcao? Bah, par rapport à Falcao, ils ont dit, tout ce qu'ils ont dit est vrai, c'est que surtout Falcao, il revient un peu malgré lui en France, hein. C'est faut voir ça aussi, c'est que je sais pas s'il a vraiment voulu au tout début revenir sur Monaco, mais s'il voulait refaire sa carrière en équipe nationale, avoir une chance avec la Colombie de rejouer, il est obligé d'être titulaire dans un club quelque part. Ouais. Et puis il était sous contrat, hein. Quand il part en Angleterre, c'est aussi fou que ça puisse paraître, le mec c'est un retour de prêt, quoi. Par contre, faut pas qu'on oublie un truc sur le recrutement aussi, vas-y, je te laisse finir, excuse-moi, Non, je disais, il a su se remettre en question, comme vous avez dit, quoi, donc il a pas cherché un autre club, un peu comme un Ben Arfa qui va chercher un club comme Hull City pour continuer à gagner beaucoup d'argent et rester... En première ligue, quoi. Il a voulu jouer dans un club phare qui joue la Champions League, même si c'est dans un pays entre guillemets moins puissant que l'Angleterre, quoi. Mais après, ce que je voulais rajouter, c'est que là où je vais peut-être être chauvin ce que je dis, mais là où Monaco est fort, c'est que mine de rien, on a fait un recrutement sur un an et demi, parce que le petit Jemerson qu'on va chercher au Brésil, on lui a donné 6 mois pour qu'il s'acclimate à notre championnat et tout, et on voit le joueur qu'il est devenu cette saison, quoi. Cette saison, il a peut-être pris du temps pour s'adapter. Je sais pas si Joseph se rappelle, mais le premier match de Jemerson à Sochaux, c'était pas facile. Hein. Ah non, c'est clair. C'est clair. Ouais. Pendant 6 mois, il a galéré. Il est revenu là. Il était là, mais il est revenu en pré-saison. On a l'impression que c'était un autre joueur. Quoi. On a l'impression qu'on avait vraiment Beckenbauer. Quoi. Ouais, alors que Beckenbauer. Surnom. C'est son petit surnom. Beckenbauer. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non mais ouais, très très très bon recrutement. Et surtout, ce qui est important, c'est bon recrutement et surtout recrutement bouclé très tôt dans la saison. Oui. Ce qui fait qu'on a pu très tôt rentrer dans le vif du sujet. Bon, même si après on était obligé parce que il y avait les tours préliminaires de Ligue des Champions et que ça obligeait en fait à bien se préparer, quoi. À bien se préparer. Et du coup, c'était limite impératif si on voulait être efficace rapidement. Je sais pas, par exemple, Eddy, qu'est-ce que t'en penses, toi, mais en fin de compte, ce qui est bien, c'est que dans le recrutement, comme tu le dis, tout a été fait très très rapidement, dans le sens où on a pu attaquer la compétition avec tous nos gars, contrairement aux autres saisons ou aux autres clubs, qui des fois commencent le championnat avec un mercato qui n'est pas terminé. Et tu te retrouves dans une situation où tu peux pas travailler sereinement. Quand un gars qui arrive sur le dernier jour du mercato, il n'a pas eu la même préparation, il n'est pas au même niveau. Ça. Et là, franchement, nous, on est parti vraiment sur les chapeaux de roue. Mercato bouclé dès le début. On regarde, c'est vrai qu'au début, le premier match contre Fenerbahçe, on donne pas cher de notre peau. Et puis, les gars, ils prennent conscience que c'est pas possible. Quoi. On peut pas partir comme ça, commencer la saison sur un échec. Et finalement, c'est la remontada. C'est notre première vraie remontada. Non, pas ce mot. J'ai oublié de dire, il y a des mots interdits, Eddy. Donc voilà, et c'est là que... et je pense que le match contre Fenerbahçe a vraiment été un déclic. Ouais. Ensuite... Et ensuite, on a le match contre Guingamp. On reprendra ça juste après. On va d'abord parler, juste avant de parler des matchs clés de l'AS Monaco, on va juste parler des matchs amicaux qui s'est passé au mois de juillet, du 2 juillet au 19. Malheureusement, matchs amicaux qui n'ont pas été vraiment fantastiques, quoi. Il y a eu, je crois, deux victoires et tout le reste c'était match nul. Trois victoires, pardon, et tout le reste c'était match nul, défaite sans être vraiment convaincant, quoi. Mais après, moi, pour moi, les matchs amicaux, ça veut tout et rien dire. Parce que moi, ce que je regarde quand je regarde les matchs de pré-saison, que ce soit de Monaco ou des autres équipes, c'est là où les entraîneurs ils font plein de tests. Donc, faut pas s'attendre à voir que les mecs ils mettent le pied forcément, qu'ils jouent à 200%. Moi, ce que je regarde, c'est beaucoup les schémas de jeu, comment l'équipe elle est organisée, comment. Et de ce que j'avais vu, même si on n'avait pas de résultats, mais de ce que je voyais les automatismes avec le Mari Mendy sur le côté gauche, je voyais comment Falcao et Germain, je me disais, ouais, mais on peut faire quelque chose de lourd quand même. On peut faire quelque chose de lourd. Je pensais pas au titre. En début de saison, je pensais pas au titre, mais le podium, j'y croyais. Je me disais qu'on pourra faire deuxième ou troisième. Pour moi, Paris restait toujours intouchable. Mais j'avais pas peur. Sincèrement, quand je voyais les matchs amicaux, j'étais toujours confiant, quoi. Et puis surtout, en plus, dans les matchs amicaux de pré-saison, il y avait énormément de rotations. Autant d'habitude, les matchs sont plutôt espacés parce que bon, les mecs sont en stage et en gros, ça permet de checker ce qui a été travaillé dans la prépa. Nous, en fait, il y avait vraiment, comme tu dis, Loïc, ce côté, voir si les joueurs qui sont à disposition sont compatibles avec les idées de jeu. Et on a payé chez Gilles toujours, hein, faut pas oublier. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je sais qu'il y a eu une semaine où dans la prépa où on avait joué un match et genre deux jours après on avait rejoué tout de suite un autre match. Et d'ailleurs c'était Charletti de mémoire. Et en fait c'était quasiment pas là, c'était carrément une équipe différente. Voilà, avec le Monaco, mais c'est une équipe différente. Et comme tu dis, mais avec le même schéma, pour voir sur qui se dire sur qui on va compter cette saison, quoi. Et c'est vrai qu'en ça c'était vraiment intéressant. D'accord. Et après les joueurs cadres de l'effectif, c'est pas là où ils gagnent leur place, c'est plus les petits jeunes qui viennent d'arriver ou les joueurs qui sont de retour de prêt, c'est plus eux que les coachs vont chercher à mettre en valeur pour voir s'ils peuvent compter sur eux pour la saison. Donc après les joueurs de l'équipe type ou ceux qui font partie de la rotation, ils vont pas forcément, comme je disais, mettre le pied pour jouer ou ils vont pas. Ils vont jouer avec retenue entre guillemets. Non mais on sait de toute manière que les joueurs justement qui font les matchs amicaux au début de saison sont pas forcément les joueurs qui vont débuter la saison, parce que on va dire que les vrais titulaires ils sont en préparation physique intense. On sait tous à peu près, comme on a tous joué au football, l'équipe du mois d'août, c'est vraiment pas du tout celle qui va débuter le championnat ni la Champions League, quoi. Si vous voulez, on va parler justement du premier tour préliminaire de Champions League contre Fenerbahçe. Ouais, parce que c'est pour reprendre ce que disait Eddy, justement, sur le côté on donnait pas cher de notre peau. Si tu veux reprendre, Eddy, du coup, c'est quand t'as. Vas-y, Eddy, oui. Bah ouais, c'est vrai que quand tu regardes les journalistes après ce match-là, c'était. En gros, on était reparti pour une saison de galère avec Monaco, parce que bon, faut pas être chauvin. Monaco, l'année dernière, c'était dégueulasse à regarder. Hein. On a tous tiré plus ou moins sur Dugarry quand il nous commentait. Mais on l'a même chanté en tribune. On l'a même chanté en tribune, ça. C'était pas que de la merde, c'était dégueulasse. Moi, j'étais le premier à dire, je suis un fanatique de Monaco. Tout le monde connaît mon fanatisme par rapport à Monaco. Mais voilà, fanatique veut pas dire chauvin non plus. Et c'était horrible à regarder. Il y a des moments, franchement, j'avais envie d'allumer la PlayStation et d'arrêter de regarder le match. Maintenant, en tant que supporter, je peux pas me permettre d'avoir ces actes-là. Donc, quand on regarde le match de Fenerbahçe, c'est vrai qu'on se dit, allez, ça y est, on est reparti pour un tour. Sur le premier match, on se dit, on voit les matchs amicaux, tout ça. On se dit non, c'est pas possible, on est reparti sur un match galère. Et le match retour, on a l'impression d'avoir une équipe mais complètement différente. Ça n'a plus rien à voir, le jeu, l'état d'esprit, plus rien à voir. Et là, en fin de compte, il y a tout qui s'enchaîne. Il y a tout qui s'enchaîne. Quand on tombe derrière sur les Espagnols, on nous dit bon allez, ça y est, ils vont manger. Ah, contre Villarreal, ouais. Et alors que finalement, on tient tête et le résultat, il est beau. Voilà, mais ce qui est marrant, c'est que dans l'approche médiatique, ça a été exactement la même chose que contre Fenerbahçe. Les médias n'y croyaient pas. Et j'ai même souvenir, je crois que c'est Christophe Jos qui commentait le match, qui limite s'est excusé en fait quand on était qualifié pour les poules, quoi. Ouais. Parce que le mec il en revenait pas. Il disait ouais, les gars ils étaient 6 pieds sous terre et ils sont revenus de l'au-delà, quoi. Ouais, par rapport. Moi je sais pas comment. Non, je disais pas. Pour moi c'est. La transition entre le jeu de la saison d'avant et le début de saison, la transition est tellement phénoménale, c'est que le système, le jeu, il y a un fossé entre les deux, il y a un monde entre les deux, et on ne peut pas s'attendre. On sait qu'une équipe peut évoluer, peut progresser, Mais là, on est plus dans la progression. On a changé la donne carrément. Après, on est le passé truc, de c'est ridicule que... à impressionnant. On est passé. Voilà. Après, il faut dire aussi que Jordim, c'est un entraîneur qui est très pragmatique. Donc le mec, il fait avec les joueurs qu'il a, les deux trois ans qu'il a fait à Monaco, c'est pas, comme je disais au début, c'est pas lui forcément qui gérait le recrutement entre guillemets. Là, cette année, il a eu les profils qu'il voulait, donc il a pu faire le jeu qu'il voulait aussi. Parce que quand il était, je sais même plus d'ailleurs s'il était à l'Olympiakos avant de venir chez nous au Portugal, mais non, je m'étais un petit peu renseigné, il jouait énormément à 4-4-3, il avait un jeu offensif avant de venir à Monaco. Après, c'est ce qu'il a essayé de faire quand il arrive à Monaco, quand il a mis Ocampo sur un côté, il fait Carrasco sur l'autre côté, il voulait jouer un jeu offensif, mais en France, tu peux pas jouer tout pour l'attaque, parce que ça joue fermé derrière, mais cette année, il a vraiment compris comment le championnat il se déroulait. Et il a vraiment demandé certains profils, il les a eus, et là, il a pu faire le jeu qu'il voulait cette année aussi. Donc c'est un entraîneur qui arrive à gérer n'importe quelle situation. Pour moi, c'est Jordim, c'est l'homme essentiel de ce début de saison. Clairement. Gabi, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure ? Je disais tout à l'heure que c'est vrai que par rapport à la saison dernière où Monaco avait pas forcément brillé sur les derniers matchs de championnat, voire une équipe très offensive dès le début de saison en phase de Champions League préliminaire, où t'as déjà Valère Germain qui revient de Nice, qui se met en valeur, et t'as Falcao aussi qui marque au match retour contre Fenerbahçe, ça montre quand même que déjà t'as des automatismes offensifs qui... Tu vois que tu as des joueurs complémentaires en attaque. Et c'était pas forcément évident dès le début de saison, je veux dire. Tu vois ? Donc en fait, c'est une bonne surprise, en fait. Je pense déjà pour les supporters de Monaco, comme a dit Eddy et Joseph, là, c'est une bonne surprise pour Monaco de voir que Monaco, ils ont une bonne attaque malgré en fait la fin de saison difficile de l'année dernière. Quoi. Où les matchs n'étaient pas flamboyants du tout, quoi. C'est clair. Et là, on a eu trois attaquants cette année, et pendant deux ans, on avait 0-9, quoi, en fait. On jouait sans vrai attaquant, pratiquement. Donc, ouais. Et là, on parle que du début de saison, hein. Que du début de saison. Et d'ailleurs, ouais, si je peux me permettre pour avancer, quand on voit la gestion déjà à l'époque, et que le match contre Nantes, où Jardim, il fait tourner, justement, et qu'il envoie Corentin Jean, qu'il envoie... qui fait jouer Diallo. Bosquilia. Ouais, aussi. Ouais. Voilà, c'est... Déjà, voilà, on sent que le gars, il compte sur tout le monde. Il montre, dès le début de l'année, il montre vraiment qu'il compte sur tout le monde. C'est ça. En plus, le début de saison, il n'est pas évident, parce que... je crois que c'est à la troisième ou quatrième journée, je sais plus, où on rencontre PSG. Enfin, fin août, en tout cas, à la fin... Troisième ou quatrième. Ouais. Quatrième. Ouais. Enfin, à la fin du mois d'août où en fait, on doit se coltiner Paris alors que notre saison elle est déjà lancée. Et je pense que justement, c'est déjà un premier virage favorable pour Monaco, parce que du coup, la préparation super tôt, les tours préliminaires qui nous obligent à être au taquet dès début juillet limite, quoi. Dès début juillet, physiquement, on était déjà au point aussi. Physiquement, on était déjà. Ce qui fait qu'on fait le job contre Paris, alors que le championnat il a à peine commencé. Enfin, je sais pas vous comment vous avez vécu ça. Le début de saison. Pour ma part, le match de Guingamp, quand on regarde bien, on est mené 2-0, je crois, ou 2-1. On revient, on fait 2-2. Ce match-là, je me suis dit. Je vais pas dire que j'ai douté, mais je me suis dit, bon, ça va peut-être pas être aussi simple que je le pensais. Parce que pour moi, comme je dis, alors là, on gérait le podium. Et après, on a joué contre Nantes. J'ai vu qu'avec les remplaçants, on a suggéré, les mecs, ils étaient impliqués et tout. Et après, le match contre Lille, après, où on gagne 4-1, je me suis dit, mais il y a un problème, là. C'est pas Monaco qui joue, je sais pas, c'est bizarre. Et après, le résultat qu'on fait contre Paris, moi, je pensais pas qu'on allait dans le même pas, de par le résultat on gagne 3-1, mais dans le jeu c'est la manière, hein. Paris ils ont eu 20 minutes où ils ont marché dessus entre guillemets, mais sinon dans le jeu on était là, quoi. Je me rappelle de Bakayoko qui fait un match extraordinaire ce jour-là, Fabinho aussi, Moutinho il tournait un petit peu derrière Germain, mais on avait voilà quoi, j'étais surpris de voir comment on jouait ce jour-là, quoi. J'étais étonné. Bah, le plus fort, c'est que sur ce match-là, en plus, quand on se rappelle bien, c'est que Jardim fait un truc qu'il n'avait jamais fait auparavant, c'est qu'il fait un système où, en fin de compte, il se sert de ses arrières latéraux pour en mettre deux à leur poste et deux devant. Et là, en fin de compte, il surprend tout le monde. Je me demande si les joueurs eux-mêmes, quand ils ont vu la composition, s'ils n'étaient pas eux-mêmes surpris. Et ça lui a donné raison. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en début de saison, je crois qu'il a eu vraiment confiance en son groupe parce qu'il l'a fait tourner énormément. Des joueurs qu'on ne voyait pas les derniers. Milieu de trois, c'est lui, ce jour-là. Et là, il y avait une sérénité qui se dégageait dans le jeu de Monaco. Et, en fait, et ça s'est ressenti sur toute la saison. C'est-à-dire que même quand c'était un peu galère, tu voyais Monaco jouer, mais en disant, il y a un moment où ça va passer. En gros, quand on regardait les gars, on se disait, dans le regard, on a l'impression de dire, tôt ou tard, vous allez craquer. Il y en a qui ont craqué à la 5e minute, mais vous, même si c'est à la 85e, mais vous allez craquer. Mais après, c'était voulu, parce que comme je sais pas si vous vous rappelez, en début de saison, on laissait le ballon énormément à l'adversaire. L'adversaire, il avait la possession, et c'était pour mieux les contrer. Et dès qu'on récupérait le ballon, et voilà, ça partait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens, que ce soit Silva, Lemar, Germain ou Falcao, bon, Mbappé, on va en parler après. Mais ça partait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens. On les aspirait pour mieux les contrer, quoi. Et du coup, donc moi je vais continuer un petit peu, on va un petit peu continuer après cette victoire de Paris. Il y a après cette espèce d'harmonie dans le club, et après il y a un festival offensif au moins jusqu'à la trêve. On va avoir des gros scores, notamment contre Lille où ils gagnent 4-1, mais bon, ça c'est pas contre Metz, 7-0 à Metz, 6-2 face à Montpellier, 6-0 face à Nancy. 4-0 face à Marseille, voilà. Enfin, c'est des gros scores, quoi. C'est quand même un festival offensif, quoi. Bah, Edith, vu que t'étais à Metz, tu peux nous raconter un peu comment... À Metz, on n'a pas... Franchement, même nous, on n'a pas compris ce qui se passait, quoi. On avait l'impression... Et à la fin du match, on s'est dit, purée, il n'y a que 7-0, quoi. Tellement que ça nous voulait de tous les sens. C'était... Les Messins, on les regardait, mais nous, on a l'impression que les gars, ils pouvaient encore courir 20 minutes, une demi-heure. Alors qu'à la 70e, les Messins, ils étaient étouffés, ils n'en pouvaient plus, ils n'arrivaient plus à courir. En plus, ils étaient en infériorité numérique, ils avaient pris un carton rouge. Mais c'était. Non, pour eux, franchement, je crois que si l'arbitre disait bon, on siffle à la 75e, ils étaient prenants, quoi. C'était impressionnant d'avoir joué. C'est vrai qu'en plus, quand on regarde un match dans le stade et à la télé, la vision n'est pas la même. La sensation de vitesse n'est pas la même. Quand tu regardes, vu que nous on était en face, t'avais l'impression de voir une vague arriver, quoi. T'avais l'impression que c'était une seule ligne qui avançait, mais à une vitesse, et c'était ingérable. Pour avoir fait quelques matchs cette année, j'en ai fait quand même pas mal au Louis II, tout ça. Il y a toujours eu cette même impression de vague où les gars, d'un seul coup, dès qu'ils récupéraient le ballon, c'est pas on balance kick and rush, on balance et devant, et puis on va voir ce que l'attaque. Ouais, c'est ça, c'est des comptes très bien gérés. Et puis surtout, enfin moi, ce qui était impressionnant à ce moment-là, c'était le côté très explosif. Mais quand je dis explosif, c'était dès le début du match. Il n'y avait jamais de round d'observation. Régulièrement, on marquait très tôt dans le match pour avoir à gérer, on va dire. Et quand je dis pour avoir à gérer, le truc c'est qu'on gérait même pas. En fait, on marquait, on en mettait un autre, on s'arrêtait jamais. Alors que d'habitude, en fait, on a toujours essayé de. Enfin, c'est un peu le foot français qui veut ça. On met le but, après, on ferme derrière, on gère. On l'a fait beaucoup hein, l'année dernière. Et justement, ça nous a pas réussi. Et même cette année, hein, les rares fois où on a essayé de gérer, on sentait que c'était pas dans l'ADN de l'équipe. Par exemple, bon, même si c'est plus loin dans la saison, quand on voit le match contre Chambly, où c'est des amateurs, on va pas leur mettre une raclée comme on met à tout le monde, à vouloir gérer, les mecs sont revenus, nous emmener en prolongue, quoi. Alors que en fait, le match il aurait dû être plié depuis longtemps. À la base, il était plié, c'est clair. Après, pour revenir sur le début de saison, ce qui m'a marqué, c'est même pas sur le site de terrain, ça m'a marqué, mais. Après, comme je regarde énormément de vidéos, je cherche aussi beaucoup de trucs sur la vie du groupe, sur les mecs, t'avais l'impression que c'était des gamins. Les mecs, il y avait beaucoup d'amour entre eux. Voilà, après, pour moi, je vais peut-être pas te dire que le football, il est simple, mais le truc, c'est que voilà, dès qu'il y a beaucoup d'harmonie dans un groupe, Ça, les mecs, ils calculent ça pas les pas, efforts. Hein. Ils vont dire, voilà, ils vont pas, pas tricher. Ils vont pas dire, bon, je vais courir un petit peu moins parce que bon, j'ai mon contrat à gérer à la fin de l'année. Les mecs, ils s'aimaient tellement qu'ils étaient partis pour une cause commune. Le groupe, il vivait bien. Dès septembre, août-septembre, le groupe, il était, il vivait bien. T'avais même dit qu'il venait d'arriver, mais t'avais l'impression que le mec, il est à Monaco depuis 150 ans. Les mecs, ouais, ils étaient une bande de potes. Ils mangeaient ensemble, ils sortaient ensemble. Non, franchement, c'était beau à voir en début de saison. Bah, bon, il y a pas eu, je pense qu'il n'y a pas eu de scandale non plus sur un tel ou un tel. Il n'y a pas eu de faux pas de certaines personnes. Malheureusement, comme on a pu voir à Paris avec le cas Aurier qui a voilà, qui peut un petit peu entacher la vie d'un groupe. Là, bon, ce sont des, voilà, comme tu dis, une bande de copains qui jouent tous les samedis, tous les mercredis, et généralement, hein, quand il y a une bonne cohésion. Quand la mayonnaise elle prend bien et quand il y a une bonne cohésion dans un groupe, et ben les résultats suivent. C'est ça. Si je peux dire un truc, c'est que la force en fait de Monaco dans cet effectif, c'est que c'est tous des joueurs qui ont une carrière à faire en fait. Ils ont besoin de prouver. Donc t'as tous les arguments en fait pour faire une grande équipe s'il y a du talent. Donc c'est pas comme à Paris où t'as des joueurs qui sont confirmés, ils ont déjà gagné des choses, ils attendent un peu les dernières journées pour se remettre en question. Là c'est un effectif en fait qui a tout à prouver, tout à montrer, et de A à Z toute la saison on a vu que c'était des joueurs vraiment très talentueux qui allaient faire sûrement des grandes carrières pour la plupart en fait, avec Mbappé sur lequel on va revenir je pense aussi pour parler de lui. Oui, bien c'est ça, et quand on regarde le groupe il est super jeune, mais quand tu les entends, quand tu les vois par exemple, sur les réseaux sociaux, t'as l'impression que les mecs ils sont assez matures pour leur âge. Quand tu entends que Lemar il a 20-21 ans, celui-là il a 19 ans, celui-là il... Je dis, mais non, mais sur certains matchs, j'avais l'impression que les mecs, c'est des briscards, mais on a une équipe super jeune. On a une équipe limite, tu crois pas. Voilà, tu te dis, mais non, mais les mecs, c'est pas possible. À cet âge-là, moi je passais mon permis ou je joue au beat, je sais pas. les mecs, c'est affolant. La maturité qu'il y avait malgré la jeunesse dans le groupe, c'était affolant quand même. Mais en plus, ce qui était intéressant, c'est que même les rares fois où on a été accroché, quand on perd contre Toulouse ou qu'on se fait accrocher contre Dijon, il n'y a pas de remise en cause de tout ce qui est en place. Alors qu'il y a des équipes, ben, dès que ça gagne pas, ben on vise quelqu'un, on vise le système, voire le coach. Là on partait vraiment sur le principe que voilà, on n'a pas gagné ce jour-là, c'est un accident. On sait ce qu'on a à faire, on va le faire. Et la petite venant en mangeant, voilà, ben on était bon en championnat, on était bon en Ligue des Champions. Voilà, enfin on arrive à la trêve, limite c'était limite gênant en fait. C'est limite gênant que la trêve elle arrive parce qu'on était bien. Et je fais un saut dans le temps, mais même après le match contre Lyon, qui est une défaite où il y a plein de choses à dire, il y a énormément de choses à dire, où on sent que l'équipe elle commence à être sur les rotules parce que justement, saison commençait super tôt, on tourne la page, on fait un match moisi, enfin je sais plus contre qui c'était le match juste avant la trêve où c'est moisi, mais on va quand même chercher une victoire et on se dit ouais voilà, c'est un groupe comme tu disais, comme t'as dit Loïc plusieurs fois, c'est vraiment un groupe et je pense que au-delà du jeu et du coach, c'est vraiment l'état d'esprit qui a fait que ça a bien tourné quoi. Je sais pas ce que vous pensez vous sur cette vision des choses. Non j'ai rien à rajouter, t'as bien résumé la chose. Mais en tout cas, Vas-y. Non, je dis amen, il n'y a pas de problème. Ah amen, ouais, excuse-moi. J'ai rien à te donner, hein. J'amène rien à te donner. Ouais, mais en tout cas, ouais, un pied monstre, enfin jusqu'à la trêve, un pied monstre. Comme je dis souvent, le plaisir du lundi matin, quand ton équipe a un ami 4, elle a un ami 6, elle a un ami 7. Oh là là. Ah là là. Ah, le lundi matin au boulot, c'était du bonheur pendant cette période-là. Ah, c'est clair. Ouais. Si un truc que je peux rajouter sur Monaco, mais ça c'est sur même l'ensemble de la saison, ils pouvaient être menés, et c'est là que tu vois que Monaco avait un truc en plus, c'est qu'ils s'alarmaient pas, ils continuaient à jouer, et au bout d'un moment, ça, 80 pour, à chaque fois 80% des cas, ils égalisaient, et de temps en temps, ils gagnaient le match. Voilà, il y avait cette sérénité. Bon, ils se prenaient un but, les gars. Bon, ça, c'est pas grave. On va continuer à jouer. Et après, ça marquait, ça égalisait. Et peut-être, des fois, à la fin, ça gagnait. Voilà. Parce qu'on était sûr de nos qualités, quand on voit que, comme Eddy et Joseph disaient, que c'était des vagues, quoi, ça venait de partout. Et on a, de mémoire, moi ça fait 20 ans que je suis le foot, j'ai pas de souvenir qu'il y ait autant de buteurs dans une équipe différente. Quoi. En novembre, décembre, on avait ouais. déjà plus de 5-6 joueurs à plus de 7 buts. Quoi. Je disais, mais c'est affolant, ça venait de partout. Si c'est pas Lemar, c'est Silva. Si c'est pas Silva, c'est Falcao. Si c'est pas Falcao, c'est Germain. Si c'est Fabinho, ça venait de partout. Qui fait un petit coup franc par-ci par-là. Hein, voilà, ça venait de partout. Ça venait de partout. Et de souvenir, j'ai pas de souvenir d'avoir vu une équipe de Monaco aussi forte. Les médias, ils faisaient assez souvent le parallèle entre l'équipe de 2003, 2004 et cette équipe-là. Mais pour moi, ils sont au-dessus. L'équipe de cette année, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus. Avec tout le respect que j'ai là pour le groupe de Julie, Rotten, etc. Pour moi, ils étaient au-dessus. Ils sont au-dessus. Ils ont mis aussi fort techniquement. Parce que franchement, il y avait de la tactique et de la technique. Et à ce niveau-là, on n'a jamais eu aussi fort. Il faut le dire. Le pire, c'est qu'on avait vraiment on a eu des grandes forces cette année. Je crois que ça a été notre grande chance. C'est que sur toutes les lignes, on a eu un Souba qui n'a jamais été aussi fort sur une saison. Même dans ses crochets. On a une défense centrale qui a été très très efficace avec des latéraux. C'est-à-dire qu'au niveau de la défense, on avait vraiment un patron. Au milieu de terrain, on avait un patron. Au niveau offensif, un patron. Et en attaque, on avait tous les points de vue. Alors qu'on ne pouvait pas dire ça sur les saisons d'avant, quoi. Tu remontes sur 2004, ton patron, c'est qui? Le patron, c'est les Trezeguet. Et encore, ils étaient jeunes. C'était plutôt Simonet. Tu avais Barthez dans les 2004. Non, 2000. Non, 2000, ouais. Et donc, à ce moment-là, tu pouvais pas... Non, l'équipe était forte, mais c'est pas ce qu'on a vu cette année, quoi. Cette année, Monaco, c'est la force tranquille, quoi. Il n'y avait rien à dire. Et après, pour amener de l'eau à ce que tu dis, mais de l'eau ou du rhum, peu importe. Mais pour te suivre dans ce que tu dis, et cette année, il y a une stat qui m'a marqué, parce que moi, j'ai pas trop eu l'impression de ça cette année, mais Jardim n'a pas mis la même équipe deux matchs d'affilée. Le groupe, il était très très important. On pouvait remplacer un joueur par un autre, c'était la même chose, jusqu'au mois de février, parce qu'après on n'a pas écrasé tout le monde non plus, on a plus été un petit peu dans la gestion quand même. Mais le début de saison, c'était affolant. L'équipe, elle tournait, mais c'était des 5-0, 4-1, 3-0, C'était du FIFA ou du PES au choix, tu vois. Non, là je pense que c'était plus du handball, là à ce niveau-là. Ah, ouais. On a fini sur le début de saison, là, je pense. Ouais, je disais, en regardant juste les stats en fait, de la saison, là, pour revenir à ce que vous disiez, en fait, Jardim, j'ai l'impression qu'il a marché avec des joueurs clés, en fait. Parce que t'as 3-4 joueurs, voire 6, qui ont 37 matchs dans la saison en Liga, en fait. Et souvent, en fait, t'as remarqué ça aussi, Joseph? Vas-y, je te laisse parler. Ouais, non, j'allais dans ton sens. En fait, on a beau dire qu'il faisait tourner, mais finalement, les joueurs clés, ils étaient toujours là, quoi. Ouais. Donc, Clique, Fabinho. Il a mis Germain aussi. Germain en attaque très souvent. Ouais, Germain, il fait son nombre de matchs, quoi. Enfin, il empile ses matchs. Hein. Voilà, pas forcément en entier, les matchs, mais il a eu sa petite valise de matchs, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Par rapport à l'élan... offensif et la progression de Monaco dans la saison, il y a eu ce petit match là au mois de décembre là contre Lyon là qui a un peu chagriné tout le monde, je trouve. Même c'est un peu parti de là après les déclarations qu'il y a eu avec Vassiliev, il a dit et tout ce que pensaient plein de gens dans les coulisses du football. Bah, exactement. Et le pire, c'est qu'on a on s'est fait avoir comme des bleus. Mais ce match-là, on s'est fait avoir comme des bleus. En fait, ils ont joué sur les nerfs des joueurs, quoi, en fait. Et on est tombé dedans comme des bleus. On est tombé. Pour moi, Lyon n'était pas plus fort que nous cette année. Après, je dis ça parce que dernièrement, ce matin, j'étais sous Twitter pour les Lyonnais, voilà, quoi, ils étaient supérieurs à Monaco cette année. Moi, je suis pas trop d'accord. Sur le match aller, ils nous ont eu comme des bleus. Au mental, ils nous ont eu. Quand je vois Tolisso qui fait Mendy péter des plombs, connaissant le caractère de Mendy, voilà, ça a été Mendy, du vice. Mendy qui prend 4 matchs de suspension pour ça. Ils nous ont eu au vice. Mais... Et même dans la saison d'avant, hein, parce que Monaco finit mal le championnat de la saison d'avant en prenant 6-1 à Lyon aussi. Il y a... Pas de choses qui fâchent. T'as l'impression que c'était un peu la bête noire en 2016, Lyon, en fait, pour Monaco. Mais après Monaco, ils viennent gagner à Lyon pour conserver la position de leader quand même en fin de saison. Ah, celle-là, elle a fait du bien par contre. Ouais, elle a fait du bien et du mal à Lyon. Voilà. Ce jour-là, j'ai dormi sur le sofa. J'ai crié tellement, j'ai insulté, j'ai pas dormi à côté de ma femme. Merci les amis. Il était important pour nous parce qu'on a pris une grosse claque fin saison dernière. On a eu un match bizarre face à eux qu'ils ont gagné 3-1. Là, il nous a fait du bien. On peut dire ce qu'on veut, qu'ils ont fait tourner les cadres, etc. Mais la victoire, il fallait la chercher. En plus, les Lyonnais, ils ont poussé de mémoire sur la deuxième mi-temps. On a failli faire 2-2, ils ont failli revenir. Finalement, le score était flatteur pour eux. Le score était flatteur pour eux de mémoire. Parce que même en fin de match, à 10, on a encore le ballon, quoi. Tu parles de quand, là, l'année dernière ou de cette année? Non, cette année. Cette année, okay. Le match aller. Oui, si, effectivement. Exact. Nico, tu voulais parler de Kylian Mbappé, là? Tu voulais lancer le sujet ou pas? Juste avant, il y a un focus que tu voudrais faire sur la reprise et puis vos matchs, ce que vous avez fait, c'est ça, vous avez niveau ballon déjà, je sais pas pour Eddy et Loïc, mais moi sur le calendrier j'avais mis deux croix sur et le match de Paris et le match de Nice juste derrière, Nice, dans la foulée, ouais. parce que c'est vrai que c'est deux matchs coup sur coup. Voilà, on se dit que en gros le podium peut se jouer à ce moment-là. Et tout le monde ne donne pas forcément cher de nous à ce moment-là. Et à juste titre, on va dire, jusqu'à 2 minutes de la fin au parc. Moi j'étais au parc pour ce match-là. Ouais, je m'en souviens. Ouais. J'ai vu. Ouais. Voilà, la folie dans le parcage, quoi. Bernardo Silva, qui pour tout le monde était le meilleur joueur de Ligue 1 à ce moment-là, qui met tout le monde d'accord. Mais le penalty, il était pas sévère aussi, je me souviens. C'était question. Si. Bah après, c'est Sidibé qui fait le con, on va pas mentir, c'est Sidibé qui fait le con. Il est sur le ballon, Sidibé qui. Mais bon. Après, c'est comme toi, Joseph. Si vous vous rappelez bien, j'ai toujours dit que pour moi, si on arrive à passer bien ce virage-là, ces deux matchs-là, Paris et Nice, je parlais même plus de podium, je me disais que si on gagne Paris et Nice, si on fait un résultat favorable contre ces deux équipes-là, on est champion. Au moins, on était champion. Exactement. Ouais, on exactement. Parce qu'on allait frapper un grand coup en ne perdant pas face à Nice et Paris. On allait frapper psychologiquement sur le championnat, on est obligé de marquer un grand coup. Sachant que les deux équipes se rencontraient en plus à la fin de saison, donc c'était un avantage pour nous parce qu'il y avait une inconnue entre les deux par rapport à leur confrontation. C'est clair. Et le pire, c'est que on prend bien le virage, on gère bien le match de Paris. Et avant le match de Nice. On fait n'importe quoi contre Chambly où ils nous emmènent là c'était moment. Vraiment 5-4 après prolongation pour Monaco, ouais, c'est vraiment c'est pas 3-0, on menait 3-0, on s'est fait remonter 3-3, un truc comme ça, c'est ça. On menait 3-0. Ouais, je me rappelle, c'est le jour où je partais pour venir vous rejoindre. Putain. Est-ce que nous rejoindrons. Ah, le petit teasing, attends, on va y venir. On y est, parce que bon, Chambly, on a tremblé, mais on est passé, mais c'est vrai qu'après, le fameux derby où, pour beaucoup, ça a été, je me permets de faire l'intro, hein, Nico, le fameux derby pour qui, c'était qu'un match de plus, hein, en championnat, le derby, c'est le jour où j'ai rencontré Loïc, à titre personnel. C'est le jour où, au niveau de l'association SM Dumtum, on a. Tu disais, j'ai pas entendu, excuse-moi. Non, rien, vas-y, je t'écoute. Ouais, je disais. Il a disais... pour 3. Ah, oui. Le projet a commencé à prendre du sens parce que, justement, on a été un groupe de presque une quinzaine de personnes, en fait, à se regrouper. Combien 16 exactement? 16. Ouais. Au pire, je vais laisser la, je vais laisser place au coordinateur qui a géré pour mieux parler en fait de ce fameux week-end. Allez, c'est un week-end de folie qui. Voilà, au niveau organisation, au niveau de tout, c'était du très très très lourd. Et on s'est retrouvé à 16 à descendre à Monaco. On s'est dit, depuis le début de la saison, on s'était dit, on va descendre pour faire un Monaco-Nice. Et il y a Loïc qui avait dit qu'il viendrait pour faire un match au Louis II. Donc on était vraiment une petite poignée à être au courant en plus qu'il allait venir. Donc c'était une grande surprise de voir le président pour beaucoup débarquer. Et en fin de compte, ça a été un week-end vraiment révélateur. C'était révélateur. On a pris conscience qu'on n'était pas une bande de potes qui parlait sur Facebook ou WhatsApp. On était vraiment devenu une famille. Ah oui. Et on avait envie de créer quelque chose de beaucoup plus fort, de créer notre association, de faire partager. Qui s'est déjà créé en plus. Qui s'est déjà créé plus ou moins, oui. Le nombre de déplacements qu'on faisait, que vous faisiez, c'était déjà. Voilà. C'est déjà comme tel, quoi. Et combien il y a de membres en tout alors actuellement, là, à l'heure actuelle, dans cette association? Après, on peut pas parler vraiment de membres en tant que tel, parce que comme disait, là, on est vraiment un groupe, mais là, on sera une association. Donc là, on peut pas vraiment surtabler le nombre de membres, d'accord. Mais sur le nombre dans le groupe, on est plus de 400, et c'est des gens d'un petit peu partout. C'est un truc assez identitaire, communautaire. Il y a des Réunionnais, des Guadeloupéens, des Guyanais, des Martiniquais, des Antillais qui sont originaires des îles aussi qui sont sur la métropole. On a une forte communauté sur Paris, et dit pour en témoigner. Et voilà, à la base, on était un petit groupe de potes, entre guillemets, et maintenant, c'est mes cousins, je leur parle beaucoup moins qu'au groupe, quoi, tu vois. Ouais. C'est devenu. Oui, non, mais c'est sérieux, je dis ça pas pour faire plaisir ou quoi, mais c'est pratiquement ça. Tous les jours, on est en contact. Tous les jours, pratiquement, on est en contact. C'est devenu tellement fort qu'on connaît, on va dire surtout pour les plus anciens, on connaît quasiment la vie privée de tout le monde. Voilà, dès qu'il y a une naissance, ça concerne tout le monde. Il y a un mariage, ça concerne tout le monde. Il y a un baptême, ça concerne tout le monde. Il y a un décès, c'est tout le monde qui est endeuillé. Il y a vraiment quelque chose qui s'est créé. J'ai envie de dire, le décrire, c'est pas possible, c'est quelque chose qui se vit. On peut pas raconter ce qui se passe au sein de cette association, de ce groupe, ça se vit. Et on a des personnes qui sont venues, Joseph est arrivé cette année, j'en avais parlé avant, plus ou moins, et lui-même est vite rentré dans le moule et a compris ce que c'était. C'est pas un groupe, c'est pas juste on est là pour parler de Monaco, le match est fini, allez, chacun éteint son téléphone. Non. On a un groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp, moi je le dis, hein, des fois c'est une horreur. Tu vas te coucher à 23h, tu te réveilles le matin, tu vois 400 messages. Moi qui suis en Martinique, moi comme Joseph il expliquait, c'est la première fois que je venais à Monaco. J'ai déjà eu l'occasion de voir des matchs là-bas assez souvent quand je venais, mais d'aller à Louis II, jamais. Donc j'ai fait mon petit pèlerinage en février, sérieux. Et assez souvent ici, ça, je dis ici, mais en Martinique, on fait des regroupements pour regarder les matchs. D'ailleurs, on a bien fêté le titre contre Saint-Etienne et tout. Il y avait une ambiance de malade à la maison, mais bon, bref, on fait des petits regroupements. Même si on est à 8000 km, assez souvent, on essaie de se retrouver pour les matchs. Et après, ce que j'aime avec notre équipe, c'est que, notre équipe, notre bande de supporters, c'est que, je vais pas dire que c'est pas des footix, mais le truc, c'est que même dans la défaite, on prend pas notre voiture et puis on s'en va, on reste là, on débrief du match. Je me rappelle de la défaite face à Paris en Coupe de la Ligue. Des mecs, ils m'ont surpris. On est resté là à parler. On est resté là. Malgré la défaite, on est resté là. On est resté là à boire des coups, à débriefer. On était triste, mais on était là quand même. Après, il faut dire qu'on se connaît depuis la Ligue 2, quoi. Le groupe, il a été créé même avant l'arrivée des Russes. Donc, on se connaît, il a pris de l'ampleur, ce qui est un petit peu normal depuis que Monaco est remonté, etc. Mais on a été là dans le dur. Donc, maintenant, tout va bien, c'est bien. Mais même qu'on voit les vrais supporters aussi, exact. Quoi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de pseudo supporters qui étaient supporters de Monaco depuis 2003-2004 parce que bon, ils étaient allés jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Voilà, t'avais des pseudo supporters. Et puis en Ligue 2, ils voulaient plus regarder les matchs parce que voilà, c'était une équipe qui était devenue entre guillemets has-been, il n'y avait plus d'intérêt. Et c'est là que tu vois les vrais supporters, c'est le supporter. Moi je me rappelle le lundi sur Eurosport, je sortais du travail, je m'endormais. je vais pas mentir, je m'endormais, mais je regardais le match, j'essayais de voir, mais c'était pas simple. C'était une année noire pour nous, c'est des années noires, mais on était là quand même. On était là quand même. Ah, quand je parlais du lundi matin, ouais, là c'était la période où le lundi matin, tu mets la cagoule pour quand tu passes devant la chaîne. T'as pas envie qu'on te parle. T'as pas envie qu'on te parle. Et d'ailleurs, ouais, pour la petite anecdote, sur ce week-end, en fait, notre groupe avait été suivi par l'équipe média du club. Et donc en gros, ils ont filmé des tranches de vie du groupe dans l'appart hôtel où on était, dans la boutique, au stade. Et ils ont fait une vidéo en fait qui s'appelle 8000 km pour nos couleurs. Pour nos couleurs. Et du coup, bah le jour où on s'est dit qu'il fallait faire une bâche, bah en fait on a repris ce slogan là pour la mettre sur On a vraiment été très bien reçus par le club. Après bon, c'est la principauté. Je dis sans rigoler assez souvent, mais on a été reçus comme des princes. Non, sérieux, on a été reçus. C'est affolant. Et Eddy peut en témoigner. Assez souvent on est en contact avec des membres du club sur certaines choses. Moi assez souvent je parle avec les mecs qui ont fait le reportage ou le mec de la boutique. Et les mecs ils sont contents parce que on devait avoir un petit reportage sur TF1, je sais pas si vous vous rappelez, par rapport à la finale de la Ligue. Ah oui, on n'a rien eu par rapport à la défaite, etc. Ça s'est pas fait, mais le gros de l'histoire, c'est que c'est le club qui a envoyé TF1 vers nous. Ouais. Et ça, je trouve ça formidable. Je me dis que les mecs ils m'ont dit non, vous avez été tellement top quand vous étiez à Monaco qu'on vous rend l'appareil. Et ce lien-là, je veux essayer qu'on essaye de le garder. Ça se répand au niveau des autres groupes de supporters qui sont là depuis des années. À tel point que je me rappelle quand on faisait des déplacements, bon, on était une dizaine à tout casser, et puis on nous appelait ouais, là, c'est la bande, c'est la section antillaise. Alors qu'aujourd'hui, quand on nous voit arriver, c'est la SM d'automne, c'est ceux qui viennent des îles, c'est ceux qui sont originaires des îles. Ouais. Et on est chose qui est très très rare, c'est qu'on est carrément reconnu, mais surtout respecté par toutes les autres antennes qui existent depuis des années à Monaco. Et on l'a vu quand on a été à Rennes il n'y a pas longtemps, où les gens nous reconnaissaient notre drapeau, venaient rigoler, chanter avec nous. On est descendu du car à pas nombreux, et en fin de compte, on a retourné la billetterie. Parce que c'est une fierté. Quand on arrive, on nous entend quand on arrive. Comme on a un groupe qui est atypique, parce qu'on a des membres qui sont basés sur la France, on a des membres qui sont dans les îles, et voilà, il y a plein de gens qui nous demandent mais c'est quoi vraiment la S-Dom-Tom. Mais la S-Dom-Tom, c'est ça, c'est des gens qui sont un petit peu partout dans le globe, quoi, des gens qui sont dans les îles, des gens qui sont en métropole, et assez souvent il y a des groupes de supporters, genre Marseille, Guadeloupe, Marseille, Martinique. Mais nous, on a réussi à réunir tout le monde. On a réussi à réunir tout le monde sur une seule idée, quoi. Ouais, c'est une super idée, j'avoue. Je suis même pas sûr. Je pense que ça doit exister sur Paris, mais sincèrement, je suis pas au courant depuis qu'ils ont réformé un peu tous les groupes de supporters. Moi, je pense qu'il doit avoir une assos, mais elle doit être assez discrète. Ou alors, elle s'est mélangée au Cup de Paris. Mais possible. Je pourrais pas vous dire exactement comment ça se passe sur Paris. Oui, vas-y, Joseph. Ah, vas-y, Luc, vas-y, c'est toi le président, c'est pas moi. Pour ma part, pour clôturer ce sujet-là, moi, mon rêve, en fait, comme je l'ai toujours dit, c'est qu'on arrive à se déplacer en tant que quand il y est sur Monaco. C'est-à-dire que dans 2-3 ans, il faut qu'on essaye d'avoir 50 Martiniquais, 50 Guadeloupéens, 50 Réunionnais, 50 Guyanais qui débarquent à lui deux, quoi. Qui débarque à lui deux, que moi j'ai pu vivre mon rêve d'aller à lui deux pour une fois, et ça va pas être la dernière, mais que tous les Antillais qui, par rapport au boulot ou par rapport à d'autres choses, qui n'arrivent pas à aller à Monaco, ben de par l'association, qu'on arrive à réaliser leur rêve. Quoi. Ouais, bien sûr, c'est beau de voir l'équipe jouer à la télé, mais moi je peux vous dire que pour une fois que je suis allé au stade voir le Monaco jouer, c'est autre chose. De par l'amour qu'on a pour notre club, pour moi c'est un rêve éveillé. Moi, je tremble là, je suis en chair de poule, tu vois. Comme un gosse. Et encore, t'étais en latéral, hein, t'étais pas en pesage. Hein. Tu vois. Et il a choisi la bonne année pour venir au stade. Parce que j'avoue, pas la plus mauvaise. Hein. J'avoue, ouais. Parce que pour venir sur le terrain, le match de Nice, c'était un kiff total. Hein. C'était un kiff total. Limite au début, c'était pénible parce que. On a pris l'habitude de marquer vite et là, ça a traîné. Dans le jeu, j'étais confiant. Quand je regardais le match, je me disais, mais non, mais on a des occasions. Nice, il faisait tourner derrière latéralement et tout. Mais moi, je savais que ça allait venir. Après, une petite anecdote vite fait, parce que après, bon, on va pas se mentir, Nice à côté de Monaco, assez souvent dans les derbies, il y a beaucoup de Niçois qui viennent, pas que en pesage, ils viennent dans les premières, etc. Bon, il y avait 3 Niçois derrière moi, on débattait et tout, ils me disaient, mais non, t'inquiète, on n'est pas méchant, machin, je lui dis, ouais, mais moi, je m'en fous, quoi, je suis là, cool. Voilà, c'est ça, les mecs, ils ont commencé à me dire, oh, mais tu vois, Germain, il veut pas marquer parce que c'est un... pour lui, il aime Nice, machin, je lui dis, ok, boum, les mecs, ils étaient dégoûtés. Après, 2-0, je me retourne, je me dis, mais ils sont où? Les mecs, ils sont partis. Je les vois qu'ils vont vers la sortie. Je dis, bon, les gars, attention dans les bouchons, parce que voilà, quoi. Et c'est ça aussi l'âme d'un derby, tu vois. C'est ce qui... Ouais. J'ai pris un pied. Franchement, j'ai pris un pied. Ouais. Bah, c'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pris, à l'issue de ce match-là, quand on a fait un petit peu le bilan de ce week-end de folie, on s'est dit que ben maintenant, chaque début de saison, la première chose qu'on regarde, c'est Monaco-Nice, et on a décidé d'en faire un pèlerinage. Et de systématiquement chaque année de descendre le plus possible avec un maximum de personnes possible sur Monaco pour le derby quoi. Et après et là, on attend le calendrier avec impatience maintenant. Je sais plus si c'est Gabi ou Nico qui disait que je suis venu la bonne année. Ouais. Et c'est vrai que c'est un derby, mais c'est un derby pas comme les autres, parce qu'on n'a jamais eu, ou si c'est la deuxième fois qu'on avait Monaco et Nice aussi haut dans le classement. En plus, voilà quoi, c'était vraiment, et de là gagner 3-0 avec un petit peu la manière, c'était fort parce que Nice ça jouait à cette période là, ça jouait franchement. C'est ça. Et puis Nice depuis un moment ils se croient un peu chez eux, c'est ça le problème aussi, tu vois, il fallait remettre les choses en place. Ils se croient, t'as bien dit. Ouais. Non mais bon, après moi qui ai fait quelques déplacements sur Monaco quand même cette année, ma carte bleue s'en souvient encore. non franchement le premier match ça a été quand même Ligue des Champions, je me suis fait plaisir contre Tottenham, et ben voilà, tout le monde se souvient de ce match où on prend ce penalty et dans la foulée sur l'engagement t'as Lemar plante un but de malade, là ça devient une folie. Je reste toute la semaine sur Monaco et dans la foulée, ben, je me tape Marseille, ou là. Marseille, c'est voilà quoi, le match de Marseille. Magnifique. Voilà. Par contre, il y a un truc que je n'oublierai pas sur ce match-là. Alors, par contre, et eux, il faut leur rendre hommage. C'est le respect qu'il faut donner aux supporters marseillais. Parce que purée, on les a entendus. Autant nous, on chantait dans notre pesage. Mais de dire ouais, on a éteint les supporters marseillais, non, ça, c'était vraiment ça. C'est la chose qui m'a impressionné. Je trouve que c'est le seul moment où Marseille nous a tenu tête dans ce match-là. Mais après, voilà. Niveau jeu, ouais, c'était Monaco et... était largement supérieur, hein, de toute façon. Il n'y avait rien à voir. Alessandrini, ça rappelle. Oui. Ah ouais, c'est barré pour moi. Tous les matchs, en fin de compte, tous les matchs que j'ai fait, j'étais à Metz. Ensuite, il y a eu Tottenham, il y a eu Marseille. J'ai fait le dernier, j'ai fait Rennes. Il y en a un autre, il y a Caen. Voilà, des déplacements cette année, franchement, je me suis fait plaisir. Ribot, il t'en veut, tu vas pas être à la Juve. non, mais après, pour... Quoi, je devais être à la Juve. Et Dortmund, j'allais oublier Dortmund, on a fait Dortmund. Avec l'attentat. Mais pour revenir à ce que tu disais, Eddy, au niveau du respect des supporters envers Monaco, cette année, j'ai ressenti que Monaco était aimé par les autres supporters, oui. les autres équipes. Monaco était respecté et les autres supporters, ils aimaient Monaco. Quand je vois qu'à Caen, on est acclamé, à Rennes en fin de saison là, ou même dans d'autres stades, on était applaudis. On était une équipe sympathique. Donc ça, franchement, chapeau, parce qu'en général, les gens n'aiment pas les champions en France. Donc voilà, mais là, bon, après si on refait 2-3 fois champion d'affilée, je pense qu'on n'aura pas autant d'amour. Mais cette année, c'était franchement. Si on est champion 2-3 fois d'affilée, l'amour des autres, ça me dérange pas. Hein, si j'en ai pas. Ouais, tu vas jouer l'égoïste sur ce coup-là. Ouais. Ah ouais, j'avoue, je garde tout pour moi. Non, mais quoi qu'on peut. La phrase qu'il faut retenir, je pense, sur cette année, c'est que Monaco a forcé le respect. Voilà. Qu'on le veuille ou non, Monaco, c'était qu'une. Qu'elle soit aimée, qu'elle soit pas aimée, à la fin, on était obligé de la respecter. Moi, j'étais encore faire mes courses ce matin, habillé avec mon maillot. Et combien de fois les gens m'ont dit « Félicitations, vous êtes un beau champion, vous le méritez. » T'as l'impression que t'es un joueur. T'as l'impression que t'as... T'as l'impression que t'as mis ta trentaine de buts, 12 passes décisives, merci Dieu, oui. C'est vrai, tout le monde te dit merci, te dit... C'est vrai, en plus. C'est un truc de malade, quoi. Voilà, bon, on va peut-être continuer un petit peu dans le... On va continuer un petit peu le fil de cette émission. Là, on parlera de la Ligue des Champions à la fin. Ouais. Hein, on va continuer un petit peu sur la révélation de cette année. Hein, il s'agit donc de Wagner Love, non, je plaisante, de Kylian Mbappé. Wagner Love qui est parti peut-être fin septembre, je crois, ou fin août. Il a dû jouer un match amical ou un match, je pense, et il est parti après, je crois. Un petit aparté sur Wagner Love. Ouais, Voilà, il est en Turquie, il s'amuse bien là-bas, il est content. Non, on va parler quand même, on va redevenir sérieux, on va parler de Kylian Mbappé, un joueur qu'on avait connu un petit peu l'année dernière, qui avait joué une dizaine de matchs l'année dernière, et qui avait surtout gagné la Coupe Gambardella avec Monaco. Et qui avait remporté et aussi club de son plan, la Coupe Gambardella. Voilà. Ouais. Il y a surtout aussi c'était l'Euro avec l'Euro des moins de 19 ans qu'il avait remporté aussi l'année dernière, donc un bon début pour ce jeune joueur. Mais après vous peut-être que vous aviez des souvenirs de lui. Après moi je me souviens, bon, j'avais quelques souvenirs, mais c'était encore un peu flou. Mbappé, il est revenu en 2017. Il a dû jouer un ou deux matchs début d'année, je crois, début de saison, non? Il n'a pas joué beaucoup, je crois. Oui, moi, pour Mbappé, en fait, parce que je regarde assez souvent les résultats de l'équipe réserve, des U17, des U19. Ouais. Et il y a deux ans, je vois le mec, il met des triplés, des quadruplés. Je lui dis, mais c'est qui ce jeune? C'est bizarre, ça. J'ai commencé à le suivre comme ça il y a 2-3 ans, je regardais les résultats et tout. Et l'année dernière, quand il est rentré dans le groupe, quand je l'ai commencé à le voir évoluer, quand il a commencé à faire des petits passements en jambes, c'est un petit jeune talentueux comme d'autres. Ouais. Et cette année, au début de championnat, Jardim l'avait mis la première journée, il a joué titulaire face à Guingamp, mais il a eu une commotion cérébrale. Donc il avait un petit peu, pas disparu des radars, mais il jouait un petit peu moins, c'est parce qu'il se remettait de sa blessure et tout. Mais il n'avait pas eu de vacances surtout. Il n'avait pas eu de vacances. Voilà, c'est ça. Donc ça lui a permis de se reposer aussi. Mais après, quand il est revenu quand il a commencé vraiment à exploser, il a explosé plutôt en deuxième partie, mais quand il est revenu en novembre et tout, je me disais, mais non, mais ce gamin-là, il a quelque chose, c'est pas possible. C'est pas possible de voir ses prises de balles et tout. Je me disais, mais non, c'est pas possible. Et après de voir comment il a explosé, bon, on aura l'occasion de revenir en longueur et en largeur dessus, mais j'ai tout de suite vu dans ses prises de balles qu'il avait quelque chose. Pour toi, son match clé, là où il s'est vraiment révélé, parce que c'est vrai que des fois on peut jouer un ou deux matchs, on se dit tiens, il est prometteur, et puis après on voit plus du tout ce joueur-là, ça devient un feu de paille, mais là il doit y avoir son match clé pour toi. Pour moi, c'était en Ligue des Champions contre City. Il avait déjà mis quelques buts, mais tu vois, c'était des deuxièmes ballons, genre le gardien, il claquait le ballon, ça revenait vers lui. Mais là, le match contre City, j'ai senti que il a eu les épaules pour. C'était un match de Ligue des Champions, c'était un quart de finale, quoi. Non, huitième de finale. Yeah. Donc de mettre un gamin de 18 ans comme ça dans un match comme ça, c'est risqué. Mais de voir qu'il a eu les couilles et les épaules pour pouvoir gérer son match, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et depuis le match de City, le gars, il a marché sur l'eau. Non, puis là, ça peut pas être un feu de paille. Je suis désolé, mais je pense que ce mec-là. Et puis moi, ce que j'admire, c'est chez ce jeune, c'est pas facile à dire. C'est bon, on parle beaucoup de maturité de ce joueur, mais moi, je trouve qu'il y a une façon de parler, mais qui est pas du tout d'un gamin de 18 ans. Il a une façon de s'exprimer qui est enfin il a un langage assez fleuri, je sais pas comment vous dire ça, mais non, ouais, c'est propre et sincère parce que moi j'ai souvenir à l'époque où Nasri il avait l'âge de Mbappé, où tout le monde disait regardez la maturité de ce mec là et tout, il parle très bien, ouais, tu sentais que le gamin à 15-16 ans il avait pris des cours de média training. Ouais, c'est ça le problème. T'avais l'impression qu'il parlait bien, mais il disait rien. Il disait rien, c'était des phrases qui étaient comme la plupart. L'important, c'est les 3 points. Voilà, c'est ça. Exactement. T'écoutes les joueurs à chaque fois qu'ils sont interrogés, c'est toujours des phrases bateaux qui sont répétées sans cesse. Que lui, c'est complètement différent. Lui, il va te faire une vraie interview avec des phrases réfléchies. Et là, tu te dis, ce mec-là, il a quelque chose de plus que beaucoup de par rapport à d'autres. Il y a du sens, il tombe pas dans les pièges. Voilà, enfin, quand le gamin, on vient le voir, on lui parle de transfert, il dit, ouais, c'est pas le moment. Moi, j'ai un contrat avec mon club formateur, je veux gagner des titres avec le club formateur. Next. Voilà. T'as envie de le croire, Je sais pas si vous vous rappelez, il a fait un triplé contre Rennes. Il a fait un autre triplé en championnat. Contre Metz, je crois qu'il a mis un triplé. Et on lui a demandé, je suis pas sûr que c'est contre Metz, mais il me semble que c'était, mais bon, bref. Mais on lui a demandé, c'est exceptionnel, ce que vous faites. Oui, il a fait un triplé contre Metz. Exact. Eh ben, il a dit, ouais, mais exceptionnel. Genre, c'est pas qu'il a banalisé la chose, mais il leur a dit que, il faut pas trop de donner trop de superlatifs, parce que sinon on va banaliser ce que les joueurs font, entre guillemets. Tu vois, s'il peut pas mettre de triplé après, on va dire, ouais, mais bon, finalement, il est surcoté et tout. Non, il a, comme Joseph disait, dans sa façon de parler, t'as l'impression que le mec, il est sincère et que, voilà, comme je disais aussi, t'as l'impression que c'est un vieux briscard. Il a la maturité d'un joueur de 24, 25 ans, alors que le mec, il est au début de sa carrière, quoi. Ça. Le mec, c'est un gamin, toujours. Toi, Gabi, on en a assez parlé pendant les podcasts, mais c'est vrai que c'est quelqu'un d'impressionnant, quand même. Mbappé. Physiquement, et l'intelligence de jeu, il va pas te faire des courses inutiles, il va pas faire des débordements pour essayer de dribbler des joueurs. Il va toujours jouer efficace. Il a pas un mot mauvais pour son adversaire, pour son collègue qui lui a fait une mauvaise passe. Toujours respectueux, même de l'adversaire. Moi, je l'ai jamais vu énervé sur un terrain, jamais vu engueuler son entraîneur parce qu'il le faisait sortir. Sincèrement, pour moi, il a tout pour faire une grande carrière. Je vois pas ce qui pourrait l'empêcher. À part, il reste à sa place. Ouais. Il sait son rang, exactement. Il connaît son rang. Après, l'histoire, tu sais, qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux comme quoi il se changeait encore en début de saison dans les préfabriqués à Monaco. Bon, je sais pas. J'y crois pas trop par rapport à... Non, si, il vit. Je veux pas raconter de conneries, mais moi les échos que j'ai, c'est ça, c'est qu'il vit toujours dans le centre de formation entre guillemets, qu'il vit toujours. Mais bon, avec le contrat qui va sûrement être renouvelé à Monaco, je pense qu'il pourra. Là, c'est dans un château qu'il pourra se changer, je pense. En espérant, moi ce que j'espère pour lui, c'est qu'il ait un. J'ai perdu un agent, voilà, j'espère qu'il aura un agent digne des plus grands agents et qu'il ait un agent qui veuille, enfin qui souhaite faire ce que lui veut faire, quoi. Voilà, mais après lui, quand on l'écoute, le truc c'est que lui, il a pour lui dans sa tête, il a déjà sa carrière en tête, quoi. Lui, voilà. Il se voit il a le temps. Il se voit marquer l'histoire avec Monaco, bon, même si là il l'a déjà fait en 6 mois, franchement. Voilà, mais logiquement pour moi, il devrait rester encore une année. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Moi, je vois pas l'intérêt à ce qu'il a. Mais bon, bref. Mais pour lui, c'est Monaco. Et après, viser un top club et il rêve du Real de Madrid. Voilà, je pense que d'ici l'année prochaine, il ira au Real. Moi, je vois ça comme ça. Je pense pas que l'année. Il va faire une saison encore et on pourra pas le garder après. Lui, c'est ça. Lui, il a déjà ses étapes prédéfinies dans sa tête. Ah, il reste à Monaco. Il confirme. Il gagne la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et après, il fait ce qu'il veut. Moi je suis preneur. Et d'ailleurs, ouais, en parlant de l'équipe de France, je me fais un petit kiff, hein, dans le conducteur, hein, je l'ai mis pour moi celui-là. Quel kiff d'avoir 5 monégasques dans l'équipe de France, dans le groupe France. Ça c'est clair, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Ça fait longtemps que c'était autant de monégasques en équipe de France, c'est vrai que ça nous a tous marqué. Je sais même pas si à l'époque Aimé Jacquet, même un petit peu avant, il y en avait autant. Je pense qu'il fallait compter 80, les années 80, fin 80, début 90, pour avoir autant de monégasques, je pense. Ouais. Et en fait, ce qui était marrant, c'est. Le truc, c'est même pas l'équipe, c'est même pas 5 monégasques en équipe de France, c'est l'équipe de France qui a joué avec Monaco. Vas-y. Ouais, donc je disais, en fait, j'ai la chance d'être privilégié et de pouvoir de temps en temps aller voir des entraînements ouverts au public de l'équipe de France. Et au mois de novembre, il y avait 2 monégasques. Et en général, avant l'entraînement, il y a les séances de dédicaces, de selfies, machin et tout. Ouais. Et en fait, donc t'as Thomas Lemar et Djibril Sidibé. Personne les calcule. Mais quand je dis personne les calcule, c'est les mecs, à un moment, en fait, ils partent pour s'entraîner, quoi. Mmh. Moi, je les appelle en disant, ouais, les gars, c'est bon, il y a un monégasque, hein, si vous voulez discuter, je suis là et tout. Mmh. Au mois de mars, les mecs, impossible à approcher, quoi. Impossible à approcher. Tout le monde sautait sur les monégasques. J'ai jamais vu autant de maillots de Monaco à Clairefontaine. Enfin, c'était limite même gênant de voir un maillot de club à Clairefontaine alors que tu viens pour voir l'équipe de France. Tu vois, enfin, même moi je suis supporter monégasque. Quand j'y vais, j'ai Clairefontaine, j'ai avec mon maillot de l'équipe de France, quoi. Et là, enfin, voir qu'ils n'existaient pas pour le grand public et que 4-5 mois après, les mecs, c'est des vedettes. Ah, c'était un kiff. Ah bah oui. C'est un kiff, on sent qu'ils sont passés dans une autre sphère, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais sinon, il y avait, pour rappeler les monégas qu'il y avait dans l'équipe de France, t'avais Bakayoko, c'est ça? T'avais... Les deux latéraux, donc Sidibé Mendy, Thomas Lemar, ouais. Bakayoko et Mbappé. Ah d'accord. Voilà. Qui fait ça. Et d'ailleurs, c'est pas qu'un détail. Mbappé qui rentre contre le Luxembourg, qui était sur la doublette des matchs, le seul match officiel. Et du coup, qui le bloque pour le Cameroun, parce que le Cameroun était au Taichet pour le récupérer. Ouais. Et contrairement à ce qu'il a fait avec Bakayoko, où Bakayoko il joue contre l'Espagne. C'est un match amical, donc il peut encore partir avec la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est bon, Mbappé il est en bleu et ça pourra plus changer. C'est vrai que Deschamps sur ce coup-là, il a fait son. Ouais, mais avec la mentalité qu'il a, est-ce qu'il aurait accepté le Cameroun, franchement, parce que. Non, je pense plus qu'il aurait joué avec les Bleus, c'est clair. Voilà. Ah oui, il aurait joué avec les Bleus, mais après, on sait jamais. On sait jamais, hein, tu sais. C'est une pression familiale qui te dit, ouais, mais avec la France, t'es pas sûr de jouer. Il joue tous les jours avec la France. Sincèrement, c'est clair, sans rentrer dans un débat qui nous concerne pas, le poste d'avant-centre en ce moment, c'est un peu compliqué en équipe de France. Donc il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit assez influent sur lui, qui trouve les bons mots pour le faire vriller, ça, on peut le perdre bêtement, quoi. Donc là, au moins, c'est verrouillé. Il fera ça car en équipe de France. Et il suffit là qu'il fasse des bons matchs, là les prochains matchs qui vont arriver, il suffit qu'il marque même. Pourquoi pas le voir en attaque régulièrement, mais même régulièrement à la place de Giroud, à la place des autres, quoi. C'est possible, hein. Bah après, petite aparté, équipe de France, franchement, on a de beaux jeunes là, depuis quelques temps. Oui. 2018-2024, je sais pas, franchement, ça sent bon, ça sent vraiment bon. Dembélé, ça sent bon. Ouais. Franchement, ça sent bon. Il n'y a rien à dire, c'est sûr que là, moi, j'étais assez dubitatif. On en avait parlé dans un podcast aussi, qu'on se demandait à l'équipe de France que ça pouvait donner dans quelques années. Et à l'époque, quand on avait fait ce podcast-là, il n'y avait pas encore Mbappé, il n'y avait pas tous ceux qui sont arrivés récemment en équipe de France, et on pouvait se poser des questions. Mais là, maintenant, à l'heure actuelle, on peut se dire, ouais, tiens, là, l'équipe de France, dans le futur, ça peut être intéressant. Ouais. Si c'est bien géré, ça peut être très, très intéressant. Franchement, ça peut être lourd, ça peut être vraiment lourd. Ouais. Ça peut être vraiment lourd. Ouais. Vu que tu parlais de Mbappé, je vais en profiter pour parler du club de Dembélé, vu qu'on a eu affaire à eux dans notre parcours en Ligue des Champions. On a la chance, ou enfin pas de chance pour lui, pour Eddy, qui a été je vais dire le vrai nom, Ovens Palen Chadion. Ouais. Le fameux joueur. Ouais, mais j'aime pas le naming. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc je sais pas si tu veux en parler vite fait, Eddy. Qu'est-ce que je veux en dire? Ben, c'était franchement un dépassement qui a été très très mitigé. Parce que pour l'association, déjà, c'était son premier gros déplacement officiel et c'était une Ligue des Champions. Oui. Donc au niveau organisation, ça a été quelque chose de très très très très lourd. Mais qui s'est très très bien déroulé. Les gens ont vraiment apprécié l'organisation pour commencer par là, le déplacement. Ensuite, la vie en Allemagne, le côté touristique a été très très agréable, très très surpris par la vie allemande, le mode de vie, le fonctionnement. C'était une,

les gars avaient fait un t-shirt. Non, non, je sais. Le maillot qui voulait sur le terrain avec le t-shirt pour rendre le maillot. C'est vraiment dommage. Mais là où je voulais en venir, c'est pour nous, ça a été bénéfique de jouer le lendemain. On a joué, on va pas se mentir, on a joué Dortmund amoindri quand même. Les mecs, ils étaient. Tu passes à côté de ta mort 24 heures à l'avance, tu peux pas être focus sur le match non plus. Faut pas déconner. Tout ça à cause de quoi? Tout ça, enfin, il y a le calendrier, mais bon, quand ils veulent, hein, ils peuvent quand même reporter. Mais tout ça aussi, c'est à cause des télévisions aussi. Les droits télé, ouais, on en avait parlé. Les droits télé. Ouais. Voilà. L'info qui a circulé, en fait, c'est que l'UEFA avait 24 heures, en fait, par rapport aux assurances, aux droits télé, pour a décidé d'annuler le match. Donc, en fait, ils se sont un peu précipités en disant « Oui, on va rejouer demain », mais ils avaient 24 heures encore pour prendre une décision par rapport aux assurances. Et, bon, les droits télé ont primé sur, on va dire, la santé mentale. L'humanité. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Et le pire, c'est que, enfin, Dortmund, ils font leur match, quoi. En attaque, ouais, parce que... en défense, voilà, c'est ça. Ouais. C'est plus dur, hein. Parce que quand tu vois, enfin, qu'on gagne que 3-2, on va dire... sur ce match-là, le péno raté, alors qu'il rate jamais d'habitude. Ouais, ça fait bizarre de reparler terrain, mais dans le contexte aussi particulier, ça n'a pas été aussi simple. Bon, rien que dit que sans la bêtise de la veille, on aurait gagné, on saura jamais. Mais en tout cas, à un moment, quand on est supporter, faut être preneur. C'était parti pour être une belle fête, parce que Monaco, c'est une équipe qui est joueuse cette année, Dortmund, c'est une équipe qui est joueuse. On aurait pu assister à un feu d'artifice sur le terrain, mais à l'arrivée, voilà quoi. Bah, surtout après le festival contre City, quand tu vois l'aller-retour contre City, où il y a eu, c'était un feu d'artifice, tu dis là, c'est reparti pour la même chose. Et limite, c'est frustrant parce que. Sur les deux matchs, on met 6 buts à Dortmund, mais on n'arrive pas à leur donner une valeur, en fait, à ces buts-là. Parce que nous, on est content en tant que supporter de Monégasque, mais dans ce qui ressort des réseaux sociaux, ou même si pour moi ça n'a pas de valeur ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, mais ce qui ressort, c'est que ouais, Monaco a joué une équipe amoindrie, nanani, nanana, et c'est pas faux non plus. Après, il faut faire le taf. Oui. Ouais, je vais dire une bêtise, hein. c'est un match de poule et ils rencontrent une équipe slovaque. T'as beau être touché, je pense qu'ils leur mettent une tartine. Hein. Ouais. C'est clair. Hein. Ah, puis le problème, c'est qu'on n'a pas trop le choix. T'as pas le choix dans ce cas-là, parce que le match, là on le gagne, on nous dit oui, mais vous avez battu un homme qui avait un genou à terre, ce qui est pas faux. C'est pas de leur faute à eux. Mais tu le perds le match. Mais c'est encore pire. Ouais, on te le prend dans la tête. Surtout qu'heureusement qu'ils ont marqué 3 buts, parce que le moment où Monaco se relâche pendant les matchs, enfin ils sont relâchés 2 fois pendant les matchs, ils sont pris 2 buts. C'est preuve que quand même Dortmund a joué son match. Ouais. Ah non, c'est clair. Et ils gagnent, comme tu dis, que 3-2. Voilà, il n'y aurait pas eu de relâchement. Monaco, ils faisaient leur match parfaitement. Mais Dortmund a quand même montré qu'ils pouvaient être là. Même au match retour, ils ont marqué un but. Malgré tout, Dortmund aura joué, bon, peut-être pas avec le même entrée au match aller, mais aura quand même joué son match, quoi. Ouais. Qu'on le veuille ou non. Ouais. Après, bon, tu sais, pour être un peu pisse-froid. Ce qui est dommage, c'est que en fait ce quart de finale très particulier fait que sur la campagne de Ligue des Champions, comme juste derrière, on se fait sortir par la Juve avec les honneurs, on va dire, mais on n'est pas arrivé face à la Juve avec la confiance qu'on aurait eu si on avait battu Dortmund à la régulière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand t'avances dans les tours, ben c'est un peu comme dans les jeux vidéo, quoi. Tu gagnes en puissance pour l'expérience. Ouais, voilà. Et là, du coup, ben t'as l'impression qu'on n'a pas forcément appris. Et c'est dommage. Moi, je dis pas qu'on aurait battu la Juve si on avait sorti Dortmund à la régulière, mais peut-être que dans l'approche, ça aurait été différent s'il y avait eu une adversité normale. Après, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas que je serais pas d'accord, mais je vais mettre un petit bémol quand même, parce que ça restait la Juve. Hein. Ça, ah oui, la Juve cette année, c'est long. On sait voir qu'on avait peut-être notre quand t'as joué, mais après on n'a pas été, comme tu dis, on est sorti avec les honneurs parce que le match aller, bon, j'aime pas trop parler d'arbitrage, mais il y a eu des trucs qui m'ont choqué quand je vois que Falcao il se prend un coup de coude par Cellini et que le mec je me dis non. Mais bon, voilà, mais on n'a pas été ridicule parce que Buffon aussi il sort 2-3 ballons d'Mbappé. Ouais. Si Mbappé il met ces buts là, c'est un autre match. Mm. C'est un autre match. Mais après ils nous ont eu à l'expérience. Ils ont mis leur but et après ils ont fait tourner, ils jouaient tranquillement, ils giraient, voilà, à l'italienne quoi. Ouais, ça, même le match retour. Le match retour, quand tu vois comment on part pied au plancher, tu sens que tout le monde nous dit que ça va être impossible de remonter les deux buts. Bah vas-y, vous avez beau dire que c'est impossible. Nous on va y aller, on va tenter. Et se dire qu'on a tout tenté, voilà, on en aura mis qu'un. Surtout que pour le groupe, c'était du bonus, parce que là, on était focalisé sur le championnat et tout, et de voir qu'on. On est arrivé quand même en demi-finale, ils avaient rien à perdre. Donc ils ont joué. Et surtout, je crois que c'était Paris venait de perdre contre Nice, je crois, entre le match aller et le match retour de contre la Juve. Donc c'était bien ça. On avait deux bonus pour le championnat. On avait 6 points d'avance virtuel entre guillemets pour le championnat. Ouais. Donc les mecs se sont lâchés au match retour. Après Et d'ailleurs, ouais, comme ça, on pourra avancer un peu. Dans cet intervalle-là. Mine de rien, on joue des matchs super compliqués contre Dijon, contre Angers. Oui. On joue tous les 3 jours. Le mois d'avril, on joue tous les 3 jours. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était les matchs hyper tendus. Sur la fin de saison, en fait, le match qui faisait peur à tout le monde, c'était le match de Lyon. Et finalement, ça a été le match le plus simple à gérer parce que les mauvaises langues vont dire que Lyon nous l'a donné. Mais même si nous l'a donné. Même si on nous l'a donné, on aurait été con de pas le prendre. donc c'est vrai que cet intervalle-là, entre Dijon, Angers, où on se dit, bon, ça c'est des points faciles, et c'est les matchs où on galère. Ils se battent aussi, ils se battent pour le maintien, c'est pas facile de jouer ces équipes-là. Parce que quand tu joues contre Lyon, par exemple, tu sais à quoi t'en tenir. Tu sais que Lyon, c'est une équipe qui joue le haut du championnat. Ouais. Mais voilà, après, c'est les petits matchs qui sont difficiles à gérer. C'est des petits matchs parce que eux, ils ont rien à perdre non plus. Il faut qu'ils gagnent leur place en Ligue 1. Faut pas les prendre par-dessus la ceinture non plus, ces matchs-là. Non, c'est clair. Mais moi, j'ai souvenir sur ces matchs-là, là. Angers. Putain, mais enfin, le chaos, il nous sort une épine du pied, mais enfin, c'est même pas une épine, c'est un tronc, quoi. Angers, puis Dijon aussi. Hein. Pas le match de Dijon. Ouais. Parce qu'en plus, il était remplaçant en plus. Et là, il te sort un coup franc venu de nulle part, quoi. Il est rentré en mode Wilkinson, voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais sérieux, le mec, il nous a... Ah ouais, là, franchement, patron, il a vraiment pas trop. En fait, ces joueurs-là, il a... Et d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, c'est que quand on parlait d'Mbappé tout à l'heure, où toute la lumière était sur Mbappé, bah, en fait, au moment où c'était vraiment compliqué, où il n'y avait peut-être pas forcément autant de lumière, que sur les matchs de Ligue des Champions, c'est là le gars où il a sorti la grinta, quoi. Il a dit voilà, Falcao, je suis là. Moi j'étais le premier à dire quand il y avait eu l'offre des Chinois à la trêve, non mais 60 millions, mais faut le vendre. Ouais, j'ai ravalé tout ce que j'ai dit. Hein. Après il y a des fois t'es content de te tromper. Là, j'étais même pas que content, j'étais super heureux. Même contre City, le but de City. Oh là là, quel but qui m'écoute. Oh là là là là là là là là là là. C'est clair. Même malgré la défaite, je pense que ce match-là, il est exceptionnel, ce match. Malgré la défaite. Hein. Ouais. Mais là, t'as vu un Monaco, mais un grand Monaco, quoi. C'est formidable. Il y a plus d'émotion que ça soit, même le Paris-Barcelone, même si on parle pas de Paris là, mais deux doubles confrontations des clubs français en huitième, que ça soit au niveau émotion, au niveau scénario, au niveau. C'était pour les amateurs de foot, c'était extraordinaire. City, la double confrontation City-Monaco et Paris-Barcelone, on a mangé du caviar cette année, mine de rien. Ah là. L'émotion, que ça soit c'est la Coupe d'Europe. Je le dis souvent quand j'interviens sur le podcast, mais c'est la Coupe d'Europe. Pour moi, la Coupe d'Europe, c'est les matchs aller-retour. Leur histoire de poule, machin chouette là. C'est encore la télé qui choisit, hein, mais les vrais matchs, ils sont là. Les vrais matchs, ils sont là. Quoi. Mais ouais, enfin voilà, enfin la course au titre quoi dans à ce moment-là de la saison, la difficulté en plus on perd des joueurs clés au niveau offensif, parce que coup sur coup on perd Bousquilia, on perd Carrillo. Du coup, on finit la saison avec trois vrais attaquants. Moi, j'ai rien contre Cardona, mais il était plein de bonne volonté, mais on sentait qu'il était léger. Il a un grand saut. Ouais. Ah oui, mais ouais, enfin, pour continuer sur le truc, voilà, enfin, c'est là que Jardim, il a été énorme, quoi. Manier ses outils. C'est la pièce angulaire du. On parle de départ, d'arrivée, mais le mec qu'on doit pas perdre, c'est Jardim. Le mec qu'on doit absolument pas perdre, c'est Jardim. Parce que le mec, il vu le contexte monégasque, qui est le projet qu'on a, le mec qu'on doit pas perdre, c'est lui. C'est lui. Et j'ai jamais vu un entraîneur aussi, à faire évoluer des jeunes comme ça, quoi. Le mec, il arrive à focaliser tout le monde il n'y en a pas beaucoup comme lui, donc tant qu'on peut le garder à Monaco, gardons-le. Franchement, il a gagné une crédibilité, quoi. Enfin, tout le monde s'est moqué de lui, que ce soit sur la qualité du jeu, enfin ça poussait même à toucher l'homme, en fait, qu'on se moquait de lui. Même il a touché, c'est certain, hein, parce que quand il a eu son trophée, même cette année, dans le meilleur entraîneur, il était pas forcément... content de ce qui s'est passé les années précédentes, hein, parce que quand t'as Galtier... Il l'a souvent dit, hein. Il en parle souvent de ça. Hein. Ouais, souvent. Ouais. Hein. Il est rancunier avec ça, et c'est peut-être un des trucs qui pourrait le faire partir, j'espère pas, mais... Ça pourrait. Bah, de toute façon, on a un problème en France avec les entraîneurs étrangers. Bon, même si là, la tendance, ça s'inverse, parce que c'est les étrangers qui ont des résultats. Mais quand tu regardes par exemple j'aime pas trop machin, mais Giroud, quand tu regardes Giroud, il passe son temps à casser du sucre sur les dos des supporters étrangers. Alors lui, c'est le vieux de la vieille, hein, c'est... ouais. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est encore le vieux foot, hein. Quand je l'écoute maintenant, je me dis mais il faut arrêter de déconner. Quand c'est Sao, Jardim, Emery, il casse du dos tout le temps, alors que quand tu vois que Le jeu qu'il fait, du moins quand c'est Sao ou Jardim, tu dis arrête de déconner un moment, les mecs ils révolutionnent les équipes dans lesquelles ils sont, quoi, faut arrêter de déconner un moment. Sans compte c'est Sao, Nantes était en Ligue 2. Hein. Ouais, voilà, ils étaient 17e, je crois, juste avant son arrivée. Il arrive, il impose un nouveau style de jeu, et comme par hasard, ça marche bien. Donc voilà. Il y a encore 3 journées finalement en Europa League. Hein. Voilà. Oui. Giroud, il faut donner des jobs à René Girard, à Antoletti. C'est eux les coachs. C'est les vieux foot, ouais. C'est ça. Arrête, tu connais. C'est triste. Ouais. C'est triste. Et quand tu regardes leur système de jeu, c'est pourri, ils n'y arrivent pas. Voilà. Ils n'y arrivent pas du tout. C'est maintenant, c'est tout. Il n'y a plus personne qui joue en position, il n'y a plus personne qui joue à distance. Faut accepter ça, c'est tout. Hein. Dès que tu l'as accepté, après ça passe mieux. Mais bon, pour Giroud, j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que ça a été quand même un grand entraîneur. Il a tout fait avec Auxerre, il est passé de DH à aller jusqu'en Ligue des Champions. Mais bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, faut essayer de vivre avec son temps, quoi. Faut arrêter de penser au foot des années 80 et essayer, un entraîneur étranger, des fois, il a des meilleures idées qu'un entraîneur français. C'est tout, hein. Faut se le mettre dans la tête, hein. Il n'y a pas photo, hein. C'est clair. Vu qu'on arrive sur la fin de saison, avant de parler du Graal, Est-ce que les gars, vous avez une envie de faire un petit focus, sur un joueur en particulier? Moi, ce sera Fabinho. Ouais. Et Fabinho, pour moi, quand on pose la question, le meilleur joueur, c'est Fabinho. C'est un monstre. Il est d'une simplicité. T'as l'impression qu'il va être en retard. Il est dessus. T'as l'impression qu'il va pas aller assez vite. Il te lâche. T'as l'impression qu'il va pas faire la passe. Il te met un caviar. Enfin, bref. Pour moi, c'est Fabinho. Pourtant, je pourrais être chauvin et dire Lemar. Ouais. Non. On n'en parle pas beaucoup de Fabinho. Hein. Ouais. C'est ce qu'on parlait la dernière fois, je crois. Hein. Je ne me rappelle plus de quel joueur. On disait que c'était des joueurs de l'ombre. Ouais. Mais c'est des joueurs, on ne parle pas beaucoup, mais ils sont indispensables pour une équipe comme Monaco. Quoi. Bah, tu sais, on pourra jamais refaire le match, hein, mais la finale de la Coupe de la Ligue qu'on perd, Fabinho, il n'est pas là. Hein. Mais ça, Fabinho, il n'est pas là. Vas-y. Moi, je vois aussi Moutinho et Diarra. Moutinho, moi aussi, la fin de saison, à lui cracher dessus l'année dernière. L'année dernière, il nous a volé. Je vais pas mentir, il a joué sans envie l'année dernière. Mais cette année, le mec, il est arrivé sur la pointe des pieds. Il y avait Bacca et Fabinho au milieu. Le mec, il croquait un petit peu quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là. Mais vers la deuxième partie du championnat, le mec, il a montré qu'il est là, quoi. Il est là. Mm. Il rentrait, il faisait des matchs titulaires et il a pas triché, il nous a pas volé. Le mec, il est Diarra, voilà, là où j'aime Diarra, c'est sur sa polyvalence. Le mec, il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer arrière droit. Les trois derniers matchs, là, il a joué arrière droit quelques matchs. Le mec, il était plus fort que Sidibé et Touré, quoi. Et lui, ouais. Il était là pour dépanner. Il était plus fort que les titulaires, quoi. Le mec, il a un coffre, c'est impressionnant. Ils ont été très, très importants dans la fin de saison. Diarra et Moutinho, je crois, rien à dire. Ouais. Ouais, mais ça rejoint. Mais ça, ce que tu dis, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de l'état d'esprit. En fait, tu vois, je pense que dans un vestiaire moisi, je pense que Moutinho serait parti à l'intersaison. Dans un vestiaire où ça va pas, je pense que Diarra, même si c'est un soldat, je suis pas sûr qu'il ait envie de faire les efforts qu'il a fait en fin de saison. On sentait que les mecs, voilà, l'objectif titre. Ils voulaient marquer leur empreinte. Ils voulaient dire, voilà, moi j'ai pas envie d'être champion, voilà, à la Corentin Jean. Voilà, j'ai fait un match en début de l'année. C'est bon, je peux dire que je suis champion. Les mecs, ils voulaient être acteurs en fait de la conquête du titre. Et ouais, et l'état d'esprit, je pense qu'il a été très très important. Et encore plus sur des joueurs comme ça, quoi, sur des joueurs en difficulté. Non, c'est vrai, Moutinho, on peut. C'est un travailleur de l'ombre, hein, comme vous disiez, parce que le mec, il est quand même champion d'Europe avec le Portugal, et il se met au service du groupe en disant rien, et il fait des bouts de match. C'est quand même grand, je trouve, pour un joueur qui aurait pu... Moi, je compare ça à un joueur français qui a le même statut, et qui supporte pas d'être sur le banc de touche. Je pense que ça peut partir vite en vrille. Et Moutinho, Fabio, si tu nous écoutes... Ouais, Fabi, faut respect, hein. On va faire un Fabiton pour qu'il reste. Envoyez vos dons. Oula. Non, mais bon. Et bon, et ouais, et du coup, bah la conquête, on a réussi à avoir ce qu'on voulait. Bah si tu peux commencer, Loïc, c'est sur le titre. Comment t'as vécu ça? Comment on a vécu le titre? Comme j'expliquais tout à l'heure, là, on fait assez souvent des regroupements, des rassemblements pour voir les matchs en Martinique. Et là, c'était en semaine. Et nous, en Martinique, les matchs, c'est l'après-midi par rapport au décalage horaire. Donc déjà en semaine, c'est pas évident de monopoliser tout le monde parce que tout le monde bosse, etc. Pas comme le week-end où on peut se mobiliser pour regarder le match. Mais là, malgré le fait qu'il y avait le boulot, etc., on était quand même une vingtaine à la maison. Il y avait une ambiance de malade. Ça sautait de partout, c'était pour moi c'était le plus beau regroupement qu'on a fait à la maison. Ouais. Franchement, c'était de par le fait qu'on a fêté le titre, mais niveau ambiance, niveau j'en ai presque des frissons, hein. c'était formidable. Des mecs qui ont vu des vidéos sur les réseaux sociaux, ils nous ont dit ouais, vous avez plus de bruit qu'à lui deux. c'était franchement, j'ai même niqué mon micro et le haut-parleur de mon téléphone, c'est pour vous dire. Franchement, c'était formidable. Et toi, Eddy? Comme si je sais, hein, mais. Oh, c'était que dire. Je redescendrai sur mon nuage quand ce sera l'heure. Pour l'instant, je reste en haut. Normal. Reste encore en haut. Et après, il faut dire qu'on l'attendait, ce titre, on l'attendait. Ça fait 17 ans que Monaco n'avait pas été champion. Et voilà, quoi, on a fait quelques finales qu'on a perdu ces 20 dernières années, mais ça faisait longtemps qu'on attendait ce titre. Ça faisait longtemps, franchement, Et on a travaillé, c'est pas comme si ça nous est tombé dessus comme ça, mais on a travaillé pendant 3-4 ans, on a travaillé pour aller le chercher. Mmh. Donc c'est fort, franchement c'est fort. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que ça avait beau se dessiner, on savait que ça nous tendait les bras. Et en tant que supporter, on a réussi à être conditionné par le fameux mathématiquement c'est pas fait. Tu vois, c'est... Ah, pas moi, c'est sûrement pas moi. Non, non. Ça, ça, ça c'est les médias encore pour entretenir le truc, pour focaliser les gens leur émission, sur leur truc, mais c'est pour moi après faut pas déconner, Paris j'allais marquer 19 buts et nous perdre je sais pas combien pour non voilà. C'est clair, non, parce que le truc c'est que ça retardait le moment où tu soulèves l'hexagone, tu vois ce que je veux dire, voilà, parce que pour moi t'es champion quand les trois coups de sifflet ils retentissent et tu lèves les mains et tu dis c'est bon. Et en plus, où c'était beau nous pour notre titre, c'est que les trois coups de sifflet, c'est le but de Germain. C'est le symbole. Le mec, voilà, il est dans les coups, il descend. Formé au club. Moi je rêvais, j'en ai rêvé de ça. Hein. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais dit, les mecs, sur précédent podcast. Je disais, moi ce que je veux deux trucs. C'est que ce soit Germain qui mette le but du titre et qui soulève l'hexagone. Bon, après, Falcao, il a dit, c'est moi le patron, faut pas déconner. Mais, mais au moins, voilà, c'est lui qui met le but. Voilà, c'est lui qui met le but où, ça y est, la fin du game, voilà, t'éteins la console et on va dans la vie réelle et on va faire la fête, quoi. Juste après avoir loupé un but tout fait, hein. Ah oui, c'est clair. C'est clair. C'était énorme. Aussi, le avant le but de Germain, on regarde le chrono à la maison, on se dit bon les gars on va se lever parce que franchement là c'est chaud, le match il est terminé, je vois tous les gars ils sont avec leur portable, ils commencent à filmer la télé genre tu vois, sifflet final, et puis tu vois contre-attaque de Le Mans, les mecs ils se sont tous rapprochés de la télé, j'ai dit voilà là ça va partir en couille, j'ai vu mes coussins voler, calmez-vous messieurs bande de sauvages, non mais c'était non, on a vu ta femme courir c'est la femme d'un des qui était là, c'était pas ma femme, la femme d'un des, tu vas me faire avoir des problèmes chérie si tu nous écoutes, c'est ma femme, je mets du Tipex mets du blanc. Ah oui. Ah mais franchement c'est pour en tant supporter, après tout ce qu'on a mangé comme pain noir, la Ligue 2, qu'on s'est fait cracher à la gueule par les journalistes, qu'on a vendu pratiquement toutes nos stars entre guillemets, voilà, de voir qu'on puisse fêter un titre de champion 2-3 ans après, c'est kiffant. Voilà. Et surtout c'est un titre qui est gagné avec les valeurs de Monaco. C'est un club formateur. C'est un club où les stars s'épanouissent et justement et qui font progresser les jeunes pousses. Et ça faisait longtemps en fait qu'on n'avait pas une équipe de Monaco qui ressemble à Monaco. Exact. Mais vous regrettez pas, pour revenir sur les deux épisodes difficiles de la fin de saison, vous regrettez pas d'avoir complètement zappé la demi-finale de Coupe de France la finale de Coupe de la Ligue qui a été ratée aussi, quoi. La finale de Coupe de la Ligue, pour moi, je pense qu'on a perdu dans la tête. Parce que c'est Paris, ils ont l'habitude de jouer des finales. Nous, on a un effectif qui est assez jeune. Et quand je vois les buts qu'on a pris, surtout le premier, je me dis, mais comment on fait pour prendre un but comme ça? Les mecs, je pense qu'ils ont dû jouer la finale dans leur tête la veille. Ils ont été tétanisés par l'enjeu. Parce que pour moi, cette saison, Paris et Monaco, ils étaient... c'était 50-50. On pouvait pas se permettre de perdre ce match-là 4-1. Pour moi, sur la valeur des deux équipes, c'était impossible. Mais Paris, ils ont l'habitude de jouer les finales. Ils ont des mecs qui ce genre de match-là, ils les connaissent. Mais après, ça nous a servi d'expérience pour la fin de championnat. De Coupe de France, pour moi, c'était logique. Il y avait des priorités. On jouait trois gros matchs en moins d'une semaine. Il y avait des priorités. Après, les gamins qui ont joué avec De Santis, respect. Quand je vois comment ils sont rentrés dans le match, certes, on a pris 5-0, mais quand je vois comment ils sont rentrés dans le match, voilà, quoi, les mecs, ils n'ont pas triché. On était à deux doigts derrière le score, même. Ils n'ont pas triché. Les gamins qui ont joué, ils n'ont pas triché. Ils n'ont pas triché, mais bon, malheureusement, c'est dommage d'être aussi près quand même d'une finale et d'avoir complètement... Moi personnellement, ça m'a dérangé quand même. Surtout pour ceux qui s'est fait éliminer au tour d'avant, tu vois. C'est parce que toi, autant je comprends l'objectif, et après ça lui a donné raison à aller au jardin vu qu'on a gagné le titre. Mais est-ce que le titre tu l'aurais pas eu quand même? Tu vois ce que je veux dire? Lemar qui te tacle Silva, parce qu'on connaît tous Thiago Motta, on sait tous que c'est un poussé. Moi ça m'aurait fait chier de perdre un ou deux joueurs cadres. C'est clair. Et qui me nique en fin de compte ma fin de saison pour une... Non mais je pense qu'il y avait moyen de faire une équipe hybride, tu vois. C'est le problème, c'est qu'on joue un malentendu, tu vois. C'est, on joue Dortmund, après ça on joue Lyon, on joue deux matchs très très importants et d'enchaîner un troisième match. Parce que l'équipe elle a pas forcément tourné entre Dortmund et Lyon. Non, c'est clair. Mais c'est clair. C'est des mecs qui sont carbos, Donc après, tu sais pas, tu joues contre Paris, tu te fais défoncer par exemple 3-0. Psychologiquement, tu es en bataille avec Paris pour gagner le titre. Psychologiquement, Paris, ils te mettent les deux pieds dessus entre guillemets. Ouais, mais après Paris jouait contre Nice. Trois jours après. Je pense que sur ce match-là, je pense que Emery il a dû penser que Jardim il bluffait. Et c'est pour ça qu'il met la grosse équipe. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il aurait pu faire une équipe un petit peu plus hybride. C'est vrai que je te rejoins sur ce point-là. Mais bon, après, ça enlève pas que voilà, ça a vite été occulté parce que le titre, il était à bout de bras et qu'à la fin, bah voilà, on a eu l'hexagone au bout de nos doigts, qu'on l'a soulevé. J'ai une petite question pour vous. Excuse-moi, je te laisse parler après. Est-ce que pour vous, depuis que vous êtes supporter de Monaco, enfin après, il n'y a pas eu énormément, mais pour vous, elle est plus jolie que 2000, elle est plus jolie que 98, cette 97, pardon, cette campagne de cette année. En Ligue 1 ou en Championnat? En Ligue 1, pardon. Hein, je parle en Ligue 1. Bah, pour moi, pour revenir à ce que je disais au début, pour moi, c'est la plus belle équipe de Monaco qu'on n'a pas eu depuis des années. Mais après, j'ai plus vibré cette année. Pendant qu'on a connu les titres le titre de 2000 par exemple, j'ai quand même beaucoup plus vibré cette année. D'accord. Et oui, parce que c'est vrai qu'on a dominé dans le jeu cette année. Ouais. Mais contrairement à 2000 où le titre on l'avait acquis longtemps à l'avance, où ça souffrait de quasiment aucune rivalité. Là, il y a vraiment tous les ingrédients. C'est-à-dire qu'il y a eu la manière, on a eu le suspense, qu'on le veuille, même si tout le monde nous voyait déjà champion depuis un moment, mais il n'y avait rien qui était fait. On était à l'abri d'absolument rien du tout. Et on a su répondre présent. On a su répondre présent du début à la fin. Et comme je dis, on a forcé le respect, parce que dans la façon de jouer, dans notre attitude, que ce soit les joueurs, les supporters, les clubs, tout. En fin de compte, on était respecté, mais à tous les niveaux. Quoi. C'est un zéro faute. Cette année, on peut dire ce qu'on veut. Dans l'attitude, dans le jeu, c'est un zéro faute. Et tu l'as annoncé en début de saison, en plus. Cette année, vous allez nous respecter, tu avais dit. En plus, combien de fois je l'ai dit cette année? Cette année, vous allez nous respecter. Et après, quand on va bien, c'est la première fois qu'on a un premier, un deuxième, un troisième avec à ce niveau, quoi. C'est là où moi je me dis que pour moi cette année c'est un titre assez spécial parce qu'on a jamais eu un deuxième, un troisième avec autant de points. On n'a jamais eu un premier, un troisième avec autant de points. Nice et Paris, Nice ils ont 77 points je crois, si je dis pas de bêtises. Ils auraient pu être champions avec 77 points. Ouais. Paris même chose. Ça s'est battu jusqu'au bout. Non c'est clair. Sinon pour moi, pour répondre à ta question, où je lui donne une saveur particulière. C'est que en tant que supporter, c'est vrai que là en fait le fait d'avoir fait plus de déplacements parce que plus âgé, plus de moyens on va dire de le faire, plus de facilité pour bouger, j'ai l'impression d'avoir été acteur. Voilà, aussi bête que ça puisse paraître, quand on parle de 12e homme, et encore plus pour Monaco, parce que on a tendance à dire que c'est une légende le supporter monégasque. Voilà, je me suis senti acteur de ce titre, pas au même titre que les joueurs, mais voilà, j'ai l'impression que j'y ai participé. Voilà, aussi bête que ça puisse paraître, être dans un stade, soutenir ton équipe, voilà, le faire de façon plus régulière que j'ai pu le faire dans les années 2000. Voilà, quand Loïc tout à l'heure parlait de pèlerinage, bah voilà quoi. Enfin moi sur l'année 2000, j'ai fait un déplacement, voilà, c'était un pèlerinage quoi, mais je me suis pas senti aussi investi, voilà, c'est peut-être ça le mot en fait. J'étais peut-être pas aussi investi que j'ai pu l'être sur cette saison et les deux trois dernières saisons quoi. C'est pas forcément plus fort, mais différent, parce que je pense que quand tu peux jamais comparer, le plus fort c'est toujours le dernier quoi. Et en plus comme là on a attendu, ça multiplie. Ouais. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je pense qu'on a assez fait le tour quand même, je pense, et c'est pas mal là ce qu'on a fait. Ouais, bah si ils ont écouté jusqu'au bout, ben bon, j'ai peut-être en oublié, les autres ils prendront le relais. Mais si on peut passer le bonjour à Bouchy, à Ticoc, Sergio, aux autres associations avec qui on a travaillé. Audrey, exact. Audrey. Logo Bitombo, Kenny, Jean-Denis, Nono, voilà, c'est. On va être là jusqu'à demain, les gars. Ouais, c'est 400, voilà. Non, mais voilà, clair. Non, mais plus tard, quand. J'aimerais lancer franchement deux dédicaces. La première, elle ira au groupe Monégou Cœur de France, les MCF qui nous ont beaucoup aidé à évoluer. Vous voulez dire, ouais. Le groupe d'Ophélie, ouais. Voilà, c'est. On a eu une très si on a pu réussir pas mal de choses au niveau des déplacements, ils n'y sont pas pour rien. Et la plus grosse de mes dédicaces ira à Sandra Petit, la présidente des MCF, qui a fait un boulot monstre pour nous, qui nous a accordé des choses, qui nous a permis de réaliser des choses. CSM. Voilà quoi, c'est voilà, franchement merci à la présidente du CSM et merci au Monégou Cœur de France et particulièrement sa présidente Ophélie pour la force qu'ils nous ont donnée, pour le coup de main qu'ils nous ont donné. Et si aujourd'hui aussi on est respecté par d'autres groupes et qu'on est reconnu, c'est grâce à eux aussi quoi. Donc ça, faut pas l'oublier. C'est ça. Voilà. C'était le message, un message qui est donné. Et donc, si vous êtes supporter de l'AS Monaco, que vous êtes dans les Dom-Tom ou que vous êtes antillais, c'est ça de France, hein, je me trompe pas. Hein, que vous aimez l'AS Monaco, n'hésitez pas à venir dans cette association et vous allez voir. Ah, je pense que vous allez. Elle est ouverte à tout le monde, hein. On n'est pas obligé de voir. Est-ce qu'il y a une adresse ou est-ce qu'on avait touché avec une adresse Facebook sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter ASM Domtom, vous nous trouvez tout de suite. Sur Facebook AS Monaco Domtom, vous nous trouvez tout de suite. Et voilà quoi, c'est dès que vous nous envoyez des petits messages, on y répond assez vite, on pourra vous communiquer quand on fait des déplacements, etc., les trucs à venir et voilà quoi. Dans une ambiance chaleureuse. Exactement. Exactement. Bah écoutez les gars, je vous remercie vraiment d'avoir participé à ce podcast. Hein. Ça a vraiment été une bonne soirée passée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant pour l'année prochaine? Du rock, non. Ah, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça, vous en aurez à foison. Non, mais pour l'année prochaine, qu'on rebalance. Déjà, le recrutement, il est déjà parti pour Yuri Tillman, si tu nous écoutes, t'aime déjà. Mais qu'on fasse une saison avec autant d'émotions que cette année. Que ça soit, qu'on continue à monter crescendo, quoi. Que Georges mette des petits crochets dans la surface de réparation. Et surtout pour l'association, qu'on continue à grandir, quoi. Qu'on continue à être toujours à fond derrière notre équipe, peu importe ce qui se passe, et qu'on soit toujours présent, quoi. Bah écoutez, si l'année prochaine. Voilà, et si l'année prochaine Monaco est champion, écoutez, on se retrouvera ensemble pour un nouveau podcast pour débriefer. Des auditeurs quand même. On en voit pas, hein. C'est sûr. Voilà, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Hein, et puis merci à vous. Bonne continuation à vous. Et puis en espérant que Monaco continue à faire rêver. Et on espère aussi que d'autres clubs français fassent rêver, que le championnat français redevienne un bon championnat, voilà, qui est dangereux. Pour moi, cette année, ça a été vraiment un pied. J'ai pris mon pied. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas pris mon pied en voyant des matchs de foot, mais là, cette année, ça a vraiment été une bonne saison. Voilà. Bah écoutez, merci à tous et à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut. Salut. Merci.